Donc là, normalement, c'est le moment où je te détourne ton attention pour lancer l'enregistrement. T'as pas fait la photo? Oh, merde, la photo. Ah, la photo. Tu vois, t'as essayé de détourner mon attention. Oui, et puis au final, ça a bien marché. Ça a trop bien marché. Tu vois. Attends, je vais tenter un truc. Un triple tontage coronarien. Voilà. Que sur cette photo, on voit ce qu'on boit, on voit Olivier de Clisson et on voit que t'as rien foutu. T'as vu? Tout à fait. Pas mal, hein? On la garde, elle est dans la boîte. Ouais, trop tard. Très bien. Eh ben, écoute, allons-y. Bah ouais. Oh. Je sais pas. Ah bah écoute, le temps passe, les réglages, hein, le temps passe. Et puis bah moi. Bah tu bois dans ces cas. Je suis à sec. C'est le problème des 25. Hey! À ta tienne! À ta tienne! Trinquage et regardage dans les yeux. Mm. C'est marqué. C'est pas qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce que j'ai fait. Si, c'est qu'est-ce que t'as fait. Bon, eh bien, bienvenue dans l'épisode 26 de la saison 2 de Road to Hellfest. Déjà? Oui. Mais c'est fou! C'est fou comme ça passe, hein, mais 26. Il est temps bientôt que ça s'arrête. C'est vrai. Ça commence à faire beaucoup. Parce que vous en avez tous marre. Et voilà. Alors que nous, non, hein, nous, on peut encore donner. Hein, ouais. Mais... Comme. Rico Macias. Donné. Oui, par exemple. Par exemple, ouais. Très bien. Alors, c'est parce que je relis mes trucs. Pensez à donner l'épisode et éventuellement le nom du podcast. Donc, épisode 26, saison 2, Road to Hellfest. Ah oui. Ah, je croyais qu'on était sur. Non. Sur s'envoie du lourd. Tuning. C'est l'autre podcast, s'envoie du lourd. Ah oui. D'accord. C'est le podcast sur la bagarre de la musique des gens qui font de la bagarre. Ah ouais. Ça envoie du lourd. Du lourd. Donc là, c'est bon. Bruit de bière, on a fait. La bonne semaine. Dis-moi, Bob. Kling Klung. Ça n'a pas fait Kling Klung. Bah, je sais pas, fais voir. Attends. Kling. Attends. Kling Klung. Ah, c'est pas mal. Ça ressemble à peu près à ça. C'est l'idée. Donc, Bob, dis-moi. Oui, as-tu passé une bonne semaine? Oh, Jacques, oui, tout à fait. As-tu fait des choses merveilleuses? Oh, formidable, n'est-il point? Comme quoi donc? Oh là là, à qui le dis-tu? T'as rien fait d'exceptionnel? D'exceptionnel? De particulier. De particulier? Ouais. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de particulier? Je sais pas, t'aurais pu aller au cinéma, par exemple. Maintenant que tu le dis, c'était quand ça? C'était jeudi. Jeudi dernier. Ouais, jeudi dernier. Tout à fait. On a été voir un bon gros navet, hein. Français, hein, qui plus est. Forcément, en même temps, ça va ensemble. Non, c'était pas ce jour-là. Ah merde. Ah oui, donc on a été voir un excellent film américain. Je tiens à nuancer. Ah, on a été voir Deadpool 2. On a adoré, on a rigolé pendant une heure et demie. Moi, j'en pleurais. Moi, il était là, il me donnait des mouchoirs. Mais arrête, ouais, c'est gênant. Et à même un moment, je lui ai filé ma manche. Voilà, c'est ça l'amitié. C'est beau. On partage tout. Et en fait, après, j'ai été voir quelques critiques et tout ça. Et c'est vrai que j'ai vu quelques points montrés du doigt qui étaient effectivement assez vrais. À savoir que, bah, par exemple, ne pas frotter mes mains. Le personnage de Cable n'est pas extrêmement... mis en avant. Ouais, ouais. Il n'est pas méga, méga utilisé. Et par exemple, le personnage dans l'X-Men de la fille... Teenage Supersonic. Ouais, bah elle, ça sert complètement rien en fait. Totalement. Voilà. Bah, c'est dedans, je pense que c'est plus un clin d'œil au premier. Peut-être, mais du coup, ça peut faire un peu défaut d'écriture. Mais en fait, j'ai pas trouvé. Moi, je pense que c'est... J'ai pas trouvé en regardant non plus. Mais c'est en prenant réflexion, je me disais, ouais, c'est vrai. Peut-être. Non, moi, je pense que c'est plus un côté flashback du premier, tu vois, histoire de... Peut-être. Bah, de toute façon, c'est une blague permanente, ce film, quoi. Donc, C'est le truc, c'est, il se moque même des scénaristes, des facilités d'écriture, il se moque de tout. Et la scène, à la fin, est... pleurer de rire. Voilà, j'ai pleuré de rire. Et j'ai même pas honte. Ah non, bah moi pareil. Et en dehors de ce chef-d'œuvre, as-tu fait d'autres choses cette semaine? Boulot, métro, et apéro. Ça va, c'est déjà ça. Ouais, c'est plutôt cool. C'est cool. J'ai planté du gazon, j'ai arrosé. Enfin, j'ai semé du gazon. Tu fais trop de choses dans cette maison. Ouais, c'est vrai. Tu devrais pas, hein. Non, je pense pas, non. Enfin, je ne sais plus. Non, bah, c'est pas hein grave. D'accord. Ah. Personne ne t'en veut, c'est pas grave. C'est pas faux. Et toi, dis donc, la bonne semaine, j'ai été qu'est-ce au cinéma, que t'es, qu'est-ce, t'es bien ? J'ai été voir Deadpool 2. Ah ouais ? J'ai beaucoup avec ri. Des gens sympas que, ouais, des... beaucoup de gens. Bah, ouais. que des gens sympas. La salle était remplie de fans de ce podcast. Forcément. Mais ils ne savaient pas quand nous y étions. Ouais, c'est vrai. Donc, on était là incognito. Voilà, on était là, on se mélangeait. Hey, vous connaissez ? Nu sous des impairs. Oui, on adore et tout. Ah, c'est cool. Ouais. bah, un très bon moment. Et après ça. J'ai fait un truc, alors j'ai fait ça dimanche, c'est un truc, ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas fait, en fait, c'est... Patin à roulette. Non, à un moment donné, après manger, j'étais m'allongé sur le canapé, wow, j'ai dormi 15 minutes à peu près, mais tu sais, genre, vraiment, ah, j'étais trop bien. Comme les navigateurs, comme c'est, mais une vraie sieste reposatrice. Bah, j'ai navigué sur mon canapé, ouais, là, voilà la vérité. Bien, bien, bravo. Bah écoute, merci. Est-ce qu'on passerait pas un petit peu tout de suite au programme ? Quand ça ? Maintenant ? Ouais, d'accord. Allons-y. Donc cette semaine, bah forcément pas beaucoup de news liées au Hellfest, parce que bah il y avait la plus grosse la semaine dernière, et donc là, je pense qu'on aura des news avec, j'allais dire avec parcimonie, mais non, elle est pas dans tous les épisodes, donc... on peut en avoir hors podcast, avec parcimonie. Oui. Mais oui, mais là on est comme on est dans le podcast, c'est compliqué. Donc du coup on peut pas en avoir avec parcimonie. Non, bah on en aura ponctuellement. Au compte-gouttes. Ah voilà, ça marche aussi. Oui, c'est bien ça. C'est pas mal. Alors première news, il y a eu l'interview de Céleste, une interview réalisée par Mail, et c'est vraiment moi. Il est sympa ce Mail d'ailleurs. Ouais. Bon, pas. Il est sympa, mais je préfère quand c'est Papier qui s'en occupe. Ah ouais. Ouais. Enfin ou. Ouais, il y a Coup de fil aussi. Coup de fil, c'est pas mal. Non parce que en fait ça me fait un peu la même le même ressentiment qu'avec celle de Bukowski, c'est-à-dire que tu sens une certaine distance entre les réponses en fait, ouais, une pudeur. Peut-être une pudeur, enfin moins l'échange, moins le contact. Ouais. Toi moins de tac tac tac ouais. Tac. Bah, ils sont peut-être moins publics, tu vois, donc du coup je pense que ça peut jouer aussi beaucoup. Peut-être. Il explique en plus dans le. Ouais ouais mais ouais non. Bah, une interview assez intéressante malgré tout. Ouais courte mais. Ouais. Intéressant. Oui. Tu as noté des choses particulières dans cette interview ? Pas forcément, mis à part que le mec, le chanteur, a pas l'air d'écouter beaucoup de musique, d'après ce qu'il disait. Ouais. C'est pas un mec qui est très. Qui va s'étendre sur. Voilà, il aime en faire, il aime jouer sur scène beaucoup, ouais. Énormément apparemment. C'est vrai qu'il y en a beaucoup comme ça, hein, ouais. qui préfèrent être sur scène. Et voilà, sinon, bah, qu'il attendait hein, la bouffe. La hein, bouffe, ouais. Un je peu comme toi. Un peu comme moi, ça c'est vrai. Moi j'ai noté qu'il partait donc, en tournée américaine. Oui, exact. Et qu'apparemment, beaucoup de leur popularité était liée à leur imagerie sur scène et à tout ce qu'il y avait. Et ça m'a intrigué en fait, parce que je me souviens d'avoir écouté Céleste. Toi aussi, tu n'avais pas aimé. Non. Moi je t'ai dit, attends, écoute d'autres trucs. Et nous ne sommes jamais tombés vraiment d'accord. Mais apparemment, tu m'as fait un signe qui voulait dire quelque chose. Eh ben, que ça m'a donné envie d'aller voir. Ah ouais. Non, envie d'aller les voir. Ah oui, ouais. D'accord. Parce que bah, ils jouent. Apparemment, oui, ils ont vraiment un truc. Voilà. Bah, c'est plus scénique que. Voilà. C'est plus un truc en particulier. Par donc, du coup, je suis assez curieux. Tu vois, c'est fou ça. Dis donc, que vont-ils faire ? Mais oui, que mais ça... peuvent-ils. Dis donc. Tiens, d'ailleurs, fais-moi penser. Tout à l'heure, j'avais une question à te poser. Alors, est-ce que je le dis maintenant ? Je le dis pas. Ouais, en fait, voilà. Ce matin, j'ai vu Joe. Bon, ça, je te l'ai dit. Ouais. Il vous passe le bonjour. Bonjour à tous. Voilà. vous lui manquez énormément. Il aimerait tellement être présent. En fait, en vrai, dans ce qu'il m'a dit, c'est totalement faux. Là, il m'a dit, je suis très, très pressé. Parce que lui, il va au Hellfest, c'est sûr. Il m'a dit, je suis très, très pressé d'y aller. J'en ai besoin, là. J'en ai besoin. Ah oui. Ouais. Et, c'est vrai que ça peut devenir un besoin à un moment. Exactement. Et je m'étais posé, en parlant avec lui, je m'étais fait la réflexion que on n'a jamais été aussi près au niveau des groupes et de la musique. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait, ouais. Tout ce qu'on a écouté. Et que si, en fait, aujourd'hui, on découvrait l'affiche avec tout ce qu'on connaît, on n'aurait peut-être pas le même avis qu'on a eu au moment de... Ah, mais là, ça va être compliqué. C'était un peu ça, ma question. Que penses-tu de ça ? Si aujourd'hui, tu vois cette affiche, tu la voyais aujourd'hui, comment tu réagirais ? En connaissant les groupes ? En connaissant tout ce qu'on a découvert de bonnes choses. Oh, c'est compliqué quand même. Là, dis donc, tu me poses une colle. Je sais. C'est pas de la Cléopâtre, hein, je veux dire. Après, je peux te laisser le temps de la réflexion. Ouais, alors tu me laisses à peu près 2 ou 3 mois, et là, je te redirai peut-être éventuellement. D'accord, c'est faisable. On peut faire ça. Hein. Moi, je vais le marquer 2 ou 3 mois, donc ça nous met en juillet. Plutôt août. Ah, quand même. Ouais. Ouais. Parce qu'on est fin mai. Ouais, juin, donc... juillet, août. C'est ça, ouais. Parce que tu avais dit 2-3 mois, donc c'est pour ça que j'étais... Ah oui, entre 2 et 3 mois. Eh ben, écoute, le 27 juillet. D'accord. À 13h13. Bon. Attends. Ou avant, si jamais tu as la réponse. Oui, oui, oui. Ah, peut-être que je serais peut-être sorti. Donc, du coup... D'accord. Eh ben, en attendant que toi, tu donnes ta réponse... moi, je pense que j'aurais. Moi, j'aurais pas réagi pareil, en fait. J'aurais été sûrement plus emballé. Voilà. Oui, bah forcément, moi aussi. Du coup. Ah bah putain, ça passe vite, 3 mois. Bah ouais, bah on est déjà le 27 août, il est 13h13. Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Road to Hellfest. L'épisode 52. Ouais, plein. Mais bah, voilà, bref. Ça pour dire. C'est vrai qu'on se souvient tous du ventre mou de la découverte. Oui, totalement. Qui nous avait mis un petit coup parce qu'en fait, on s'attendait à autre chose. Et bah, le autre chose, on l'a peut-être découvert d'une certaine façon. Et justement, en quoi ? On s'attendait à quoi, justement ? Bah, en fait, j'ai regardé. Bah, je ne sais pas si on. En fait, j'en parlais aussi avec Joe ce matin et je lui parlais du download. Il me disait, ouais, non, mais le download, c'est pas. Il disait, non, leur affiche, elle est bien. Ah oui. Leur affiche est bien. Ah oui, non, c'est sûr. Et en plus, j'ai lu l'interview qui était dans le Rockhard de ce mois-ci, où on n'apprend pas grand-chose sur les trucs de programmation. Je m'attendais un peu plus à en savoir là-dessus. Ils ont juste dit que bah, non, ils ne peuvent pas empêcher les groupes d'aller au Hellfest. Non, ils ne peuvent pas faire ça, soi-disant. C'est ouais. Qu'ils ne peuvent pas vendre une tournée qui empêcherait d'aller... Enfin, ils peuvent le faire, mais ce ne serait pas genre volontaire, quoi, ouais, oui. D'après ce qu'ils disent. Ouais, ce serait à l'insu de leur plein grave. C'est par hasard. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais que en fait les groupes de tête d'affiche vont tous proposer entre 2h et 3h de concert. Donc que ça soit Osborne, Marilyn Manson, Foo Fighters, ouais. Et Guns N' Roses. D'accord. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que les Foo Fighters par exemple, ils ont en fait il y avait un problème de date avec les Foo Fighters et les Guns. Donc ils ont fait passer les Foo Fighters d'abord. Ouais. Et donc ils ont dit aux Guns bah venez le lundi, donc ils ont fait le quatrième jour. Et pour les Foo Fighters voulaient bien venir, mais si ils pouvaient choisir les groupes qui étaient là dans la journée, en fait. Oh, super. C'était pas imposé, c'était c'est ce qu'ils voulaient, mais c'était pas imposé apparemment. Ouais. C'est ce qu'ils disent dans l'interview, ils précisent bien, c'était pas imposé. D'accord. Mais c'était des groupes qui correspondaient. Du coup, il y avait Frank Carter, The Hive, il y avait des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, parce que les Foo Fighters, tu vois, ils vont pas au download de Madrid. Ils vont download UK, mais pas Madrid. Mmh. Donc, tu vois, tout n'est pas toujours goupillé comme ça. Ouais. Et je ne sais plus ce que je... Ah si, oui, parce que Joe me disait, ouais, non, le download, c'est pas ça. Je dis, ouais, mais quand tu vois leur affiche, tu fais, quand même. Ouais. Je veux dire, que ce soit Avatar, Tagada, Ultra Vomit, tous les Meshuga et Tremonti et tout ça, comme il y a au Hellfest. Donc, elle est un peu plus... Éclectique. Non, je dirais, elle est plus populaire, peut-être. Là où le Hellfest, justement, cette année, a pris peut-être un petit risque avec plein de groupes français. Mmh. En fait, plus de plus petits groupes. Oui. Et donc, peut-être que, justement... pas moins dégueulasse. Non, quoi. Pas pour autant, mais moins de gros noms. Oui. Après, ils ont quand même des gros noms. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a personne, mais beaucoup de petits trucs, quoi. Oui. Donc voilà, c'était ma question, mon interrogation. Ouais, c'est peut-être justement, ils veulent faire un retour un peu rewing, tu vois. Tu crois ? Revenir sur un festival un peu plus... un peu comme le moto. Ouais, peut-être. Peut-être. Faudrait voir. Après, ils ont aussi... J'avais pas pensé à ça. Bah, il y a peut-être de ça, mais il y a peut-être aussi... ils ont peut-être essayé aussi de s'ouvrir avec l'arrivée de Carpenter Brut, Aurore et tout ça. Donc ils ont peut-être fait un truc, justement... Ils sont peut-être redescendus un peu avec en ouvrant. Ouais, c'est ça. Peut-être, c'est assez compliqué. Faudrait peut-être... qu'on ait justement Alex pour qu'il nous en parle un peu plus. Ouais. Ce serait pas mal. Et l'autre news qui n'en est pas vraiment une, c'est que donc les mails et les messages, enfin surtout les SMS, ont été reçus par les gens pour recharger leur cashless. Donc avec bienvenue Michel, bienvenue Rodrigue, tu peux aller recharger ta cashless avec le code machin machin, qui est donc lié à votre billet. Le billet qui a été envoyé au mois d'avril, pas celui d'avant. C'est le dernier billet envoyé. Oui, bien sûr. Et toi Bob, tu as remarqué que on pouvait mettre en place une option de... De recharge automatique. Donc après, c'est proposé, je pense que tout le monde peut l'avoir. C'est en fait en dessous de 15 euros. De disponible en... De disponible sur ta carte. Si 13-15 euros, ta carte se recharge automatiquement du montant que tu souhaites, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, tu as oui et non. Donc, je pense que tu peux gérer comme tu veux. Si tu veux ne pas mettre, tu fais non. Si tu veux mettre, tu fais oui. Je pense que c'est une case à cocher quand on est sobre. Surtout, oui. Ah oui, non, faisais pas les cons, sérieux. Faisais pas les cons. Ah, on en a vu, hein, dès qu'ils rentraient plus parce qu'ils avaient plus d'argent et qu'ils avaient peur de se faire tuer. Hein. Non, on en a connu. Non, puis ça évite les queues. Non, je trouve que là, si ça fonctionne bien, ouais, et que ça, si ça fonctionne ça gère bien, ça peut être bien. C'est un super système. Quoi. Bon, alors, fait amusant. Joe m'a dit, est-ce que tu les as, mes identifiants, pour me connecter? Ce à quoi j'ai répondu, pourquoi? Il me fait, c'est toi qui m'avais créé mon compte, on l'a fait en direct du podcast l'année dernière. Peut-être. Oui, tout à fait. Et du coup, j'ai dit, non, mais je pourrais te les retrouver. Il me fait, t'inquiète, moi je ferai ça sur place. En fait, il est parti, lui, du principe de son festival, il va le faire en mode lui, il m'a dit. Oui. En mode lui, quoi. Ouais. En mode moi, il t'a dit non. Voilà, c'est genre un truc où je prépare rien, un peu comme moi, quoi. Voilà. Voilà. Et en même temps, c'est souvent les mieux. Oui. Après, on peut aussi passer à côté de quelque chose. Et vice versa. Faut pas trop préparer. Oui. Mais après, des fois, tu vois. Ah, mais quand tu prépares trop, tu t'attends à un truc et derrière, tu peux être déçu. Ah, mais regarde, si tu préparais pas, comme tu dis. T'aurais pas eu envie d'aller voir Céleste, alors que maintenant, t'es curieux. Ah oui, non, à ce niveau-là, oui. Ah bon, alors c'est à quel niveau je te parle pas. Je te parle de préparer vraiment tout, tu vois. Ah oui, mais c'est pas possible genre, de tout préparer. Tac, tac, je vais passer par là. Moi, je passe plutôt à gauche. Voilà, à gauche. Parce que la gauche. Eh écoute, je te propose d'attaquer les news. Les news métal. C'est celles qui sont avec de la musique métal. Tu fais ça là, tu fais ça là. On n'y arrivera jamais. Oui, je vois bien. Ouais, JB. Voilà. JB. Donc, il faut que tu cliques, je suppose. Alors, Motocultor. Ouais. Annonce finale, je suppose. Oui. Alors, putain. Alors, tu te souviens quand je t'ai dit la phrase, là? Oui, il faut pas la lire. Faut pas la lire. Oh, flûte. Ah, mais c'est pas grave. Alors, donc, ils ont finalisé, on va dire, leur affiche. C'est officiel? Au Motocultor. C'est officiel? Ah après, est-ce que c'est officiel? On ne sait pas. Peut-être qu'il y aura des changements aussi. Si, c'est marqué. Mais c'est officiel annonce que... Annonce finale, voilà. Avec deux points d'exclame. Ouais, it's a final countdown. It's a final Donc, nous sommes fiers de vous annoncer les 15 derniers groupes à l'affiche du Motocultor Festival 2018. Donc, il y aura The Young Gods, Belphégor, Tourisas, Phil Campbell and the Bastard Sons, Meyerker, Suicidal Angels, Pylorian, Zwart Crown, Sticky Boys, Cypercore, Emplore et Transat, qui est un groupe du Black Desert Record. Nos amis de Nantes. Ah oui. Vois-tu. Ainsi que les groupes vainqueurs du tremplin Dead Bones Bunny et Serenius. Voilà. D'accord. Eh ben, une affiche où je connais rien. Complètement. Ouais. Ouais. Mais après, c'est toujours pareil. Ah on ne connaît rien, mais on peut découvrir. Beaucoup de choses. Et se faire plaisir. C'est vrai. Aux esgourdes. À noter que Warbringer et Pelican remplacent Angelus Apatrida. Et Assi Wifa. Qui sont, pour des raisons indépendantes de leur volonté, contraints d'annuler leur performance sur le festival. Quel dommage. Tu es déçu? Je suis un peu déçu. Par contre, je suis en même temps assez impressionné parce que ça fait quand même un paquet de groupes. Hein. Mais c'est une putain d'affiche quoi, cette année. Là... Motocultor. Ouais. Hein, franchement, moi je suis... Moi, ça je me suis... donnerait bien envie d'y aller. Tu vois. Mais je suis pas là, moi. T'es pas là? Mais t'es où? Je suis pas là. Je suis du côté de Toulouse. Oh, Toulouse. Ou du côté de Sarlat. Oh. Je serai peut-être à Nantes après. Mm-hmm. Va savoir. Toulouse, Nantes, c'est vrai que c'est à côté. C'est tout droit. Oui, c'est ça. Si tu prends par la rocade. C'est comme Arcachon. Là, tu prends la rocade. Ou Porte de Clignancourt, c'est pareil. C'est tout droit. C'est vrai. Il faut faire attention parce que des fois, la Porte de Clignancourt, il y a du monde. Oui, mais ça reste tout droit. En tout cas, bref, bah écoute, Motocultor, si tu veux y aller, vas-y. Hein. Bah c'est parti, allez. Bon bah t'es notre. Hey, je m'ai acheté un sac en plus, je peux bah, y, même ouais. y aller à pied si je veux. À part maintenant. En raquette. En quoi? En raquette. En raquette. Ouais, parce que des fois, tu sais qu'il y a. Bah on a l'abri de rien, je suis d'accord avec toi, mais. Tempête de sable. C'est vrai. Non mais tu peux pas y aller normalement toi au Motocultor. Je suis interdit de motocultor. Non, mais t'as... parce que t'es pas là, si t'es là. Bah si, je suis là. Et tu veux y aller? Bah, j'ai un mois de vacances, mec. Mais oui, mais je sais, mais normalement, voir tu pouvais pas y aller. Si affinité. Qu'est-ce que j'ai dit qui t'a mais fait penser que ça? Parce que je t'avais proposé. Non, je crois qu'on était resté un petit peu comme ça sur le. Putain. Oh, je ne sais pas. Peut-être. Ah, je sais. Ouais, bon. Bah... Moi, il y avait une question de rond qui rentrait en cause, ce que tu me disais. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, on en reparlera. D'accord. Non, mais c'est pour savoir si tu veux que je tente quelque chose. Ouais, bah carrément. Surtout qu'on pourrait avoir un Camtar, on pourrait avoir des Kinder Bueno en plus. Oh, pourquoi? Des blancs. Bah parce que je pense qu'on pourrait en acheter à ce moment-là. Ah oui? Ouais. Et à ce moment-là, en plus, ils risquent d'en vendre. Tu crois? Oh, il y a des chances. Dingue. Alors, news suivante. Une news un petit peu... En fait, c'est pour en amener une autre par la suite. Ah, d'accord. Corten... Enfin, je suis comme toi, je lis le truc. Ouais. À une certaine époque, David Silveira était le batteur de Korn, mais si le blond qui était derrière les fûts et qui faisait partie un peu de l'identité groovesque du groupe... Ah ouais. Cette phrase... Non, mais vas-y, vas-y, vas-y, lance-toi. C'est pas okay. grave. Putain, j'ose pas, je suis gêné en public. Il quitte le groupe pour se lancer dans la restauration. Oui. Et tout le monde s'en fout. Mais aujourd'hui, quelques années plus tard, il revient avec un nouveau groupe, Corten, ou Cordis, selon les prononciations. Un album devrait être enregistré cet été pour une sortie à la fin de l'année. Et pour patienter, on peut toujours écouter Introspection. Il y a aussi un autre extrait sur la chaîne YouTube du groupe. Donc, on a écouté tous les deux. Mmh, on a vu tous les deux. On a constaté tous les voilà, deux. Voilà, alors... Bon, musicalement, c'est pas ouf. Pas du tout, non. C'est pas du tout ouf. David Silveira, c'est pas ouf non plus. Pas du tout, parce non. Parce qu'en fait, il est devenu à moitié gros bodybuildé, mais gros moche. Hein. Ouais, gros moche, ouais. Donc, bon, on n'est pas là pour juger le physique. Juste à un moment donné, on peut dire, mec, t'as pris la... Bah, t'as chié un peu dans la colle, quand même. T'as un peu pris la mauvaise route, quoi, tu t'es trompé. Donc, voilà. Donc, c'est assez dommage de voir que bah, c'était quand même un bon batteur. Enfin, en tout cas, pour... Ouais, son côté ouais. groovesque, ouais. que j'aimais bien. Et que, bah, une fois qu'il avait quitté Korn, bah, déjà, il n'a plus jamais eu le droit de revenir, contrairement à d'autres membres. Ouais. Et mais que genre, le mec n'est toujours pas passé à autre chose, parce qu'on regardait une petite vidéo où il faisait un solo de batterie, et il commence la vidéo en disant qu'il était de Corten, et avant qu'il était de Korn. Voilà. Le mec ouais. continue de se mettre en avant de ce côté-là. Je vous en prie, à vous du même. Tout à fait. Alors... Pour dire, j'ai écouté le morceau que tu as, voilà, et c'est au niveau de la voix, franchement, c'est atroce. Hein. Ouais, bah il y a deux chanteurs. Ah, il y a deux chanteurs. Oui, c'est vrai, il y a deux chanteurs. Ah, mais je crois que c'est pire. Il pourrait en tuer un. Ouais, voire l'autre aussi. Peut-être. Ouais. Lamb of God, album de Burn the Priest, mec. Attends, j'ai oublié. Tiré B tiré Lamb of God 2. Album de reprise. Oui. Non. Attends, je la refais. Parfait, là. Burn the Priest. Oui. Hey, un groupe qui a changé de nom par la suite pour s'appeler Lamb of God. A repris son premier... Pourquoi pas. A repris son premier... Bah, son premier nom. Pour sortir. A repris son premier pour sortir. Point. Un album de reprise, 2, ouvrez les guillemets, intitulé Legion 20. Legion 20. Le 18 mai, à savoir vendredi dernier. C'est vrai. C'était vendredi dernier. Ouais. Au programme, des reprises de Bad Brains, Melvins, Ministry, Agnostic Front, Helmet, Cro-Mags, un album hommage à tous les groupes qui les ont influencés dans leur tendre et prime jeunesse. Non, c'était marqué dans leur jeunesse. Dans leur jeunesse. Merci. Merci. https://. Donc du coup, je suppose que t'as écouté l'album. Ou pas tout. Mais ah, j'ai... Bon ah non, j'ai pas tout écouté. Bah, c'est parce qu'en fait, j'ai pas pris le temps. C'est vrai que c'est assez virulent quand même. Hein. Enfin, Lamb of God, Blonde ouais. the Priest, c'est Donc avec les mouflets, c'est pas toujours évident d'écouter de la musique. Ouais, mais t'avais Donc du coup, pas. j'écoute du Immortal ou des trucs comme ça pour les calmer un Pour peu. les calmer un peu, je comprends. Voilà. D'accord, mais c'est parce que t'as pas bossé, non, cette Non, semaine? mais j'ai écouté. Non, Ah. j'ai écouté 3 ou 4 titres, je crois, Et t'as bien aimé? de Burn the Priest. Pas totalement tout, mais après, c'est la première écoute. À chaque fois, je me fie jamais à ma première écoute parce D'accord. que c'est de la merde. Ta première Et je écoute? suis un con, hein? Ah Ma d'accord. première écoute est jamais bonne à chaque fois parce que je De sais Lord of pas. God ou de... Non, mais c'est comme tout, c'est un film, je vais aller le voir au cinéma, je me fie jamais parce qu'il faut que je revoie, tu vois, faut toujours que je Mais revoie, tout à l'heure on a parlé réécoute. d'un film, on a dit qu'on avait beaucoup aimé. Oui, non, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, mais après, faut que je revoie pour voir s'il n'y a pas deux trois petits trucs. Putain, t'as l'air sceptique comme le Ah jeu, ouais, mais non, t'as un faux mais non, mais sceptique. parce que ça marche dans les deux sens, ton problème. C'est-à-dire Je suis dyslexique aussi. quand t'aimes, faut que tu réécoutes pour voir si t'as eu raison d'aimer. Non, c'est ma première écoute. Et ta première écoute, si elle est bonne. Non, mais après, elle n'est pas tout le temps Oui, bonne. mais Je veux si elle dire, l'est. mais je peux aimer un truc et me dire, ah ouais, bon, ok, d'accord. Oui, mais c'est par exemple un truc. Oh, j'ai Et pas. oui, ça marche dans les deux sens. Je suis content de l'apprendre. Ben voilà, tu Très vois. bien. Donc, bah, moi, ça me fait plaisir. Bah, oui. D'accord. Et ben, comme en tout cas, on a discuté un petit peu hors antenne de. J'avais envoyé un message à Bob pour lui dire que j'avais C'est surkiffé moi. la chanson Kérosène et que je lui avais dit qu'elle était. Alors franchement, tu peux parler, toi. Hein? Non, mais vas-y, vas-y, continue. Bah, c'est ce que je fais, je suis en train de Ah, parler. pardon, excuse-moi, je Bah suis oui, désolé. mais non, mais tu dis un truc alors que je suis en train de le Ah, faire. pardon. Bah oui. Ah non, mais j'ai rien dit, moi, Bah si, je... t'as dit, bah tu peux parler, mais j'étais Ah en oui, train. pardon, oui. Ah, donc. C'est vrai qu'en plus, j'ai pas t'autorisé de parler, je veux Non, dire, mais comme t'es j'étais en train libre de de le parler, faire, c'est vrai. c'est que c'est. Enfin. C'est un Donc, peu. vas-y, tu Bah, peux donc, parler. je disais que j'avais bien aimé la chanson Kérosène et que j'avais trouvé la version originale vachement différente. Donc, du coup, c'était pas. Pour moi, je l'ai vraiment pris pas comme juste un. On fait un album des chansons qu'on a bien aimées. Ils ont vraiment essayé de faire quelque chose à eux. Ils ont vraiment essayé de mettre leurs pattes de Burn the Priest vraiment dedans, quoi. En plus, je trouve ça assez malin d'avoir repris le nom d'origine pour faire ça. Après, je suis un peu comme toi, surtout. Moi, j'ai écouté l'album plusieurs fois. Il y a un moment donné où je décroche un peu. Autant le début, ça va, je suis dedans. Autant après, je décroche un peu. Et sur la fin, ça me reprend. Mais il y a un petit truc entre deux. Et j'ai pas été voir quel titre exactement c'était. C'est peut-être lié au groupe de base, hein, qu'elles sont peut-être. Je vais pas remettre le nom. D'accord. Je sais que moi il y a un titre, ouais, qui m'a fait décrocher un peu et pense que je pourrais me rappeler Du titre. du titre si j'avais le nom du groupe, mais là non, c'est pas dans cela. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment, vraiment, vraiment accroché sur Kerosene. Bah, dis-nous ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est ça moi que je voulais Ah, qu'est-ce que. que tu avais été écouter Kérosène et Ah que. oui, d'accord, oui. Alors, ouais, fait amusant, c'est qu'au début, j'ai voulu. Bah, de base, je m'étais dit, tiens, je vais aller écouter tous les morceaux originaux. Et en fait, j'ai écouté. Alors, Kerosene, je sais plus de qui c'est une reprise. Ah, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom non plus. Mais moi, j'ai écouté une autre version de Kérosène d'un autre groupe. Et je me suis rendu compte, putain, ils ont vraiment, vraiment mis bien leur patte à eux. Ils ont changé la musique, les paroles. Ils ont tout changé. Parce qu'en fait, c'était pas du tout la bonne reprise. J'étais sceptique à un long moment. Je me suis dit, putain, stylé, ils ont changé la musique. Ils ont écrit des paroles. Vraiment, les mecs, ça se sont donné à fond, Ils ont quoi. juste gardé le titre en fait. Les mecs, ils se font pas chier, quoi. Donc voilà, c'était pour L'anecdote, l'anecdote l'anecdote. amusante de moi. Donc je prends la prochaine news. Vas-y, vas-y. Bah, Jonathan Davis, le chanteur de Korn, JD comme on l'appelle, va sortir son album solo Black Labyrinth le 25 mai, c'est-à-dire vendredi, donc c'est-à-dire après-demain, Vendredi. et continue comme la mode l'exige de nous préparer avec la sortie d'un nouvel extrait, Basic Needs. Donc il continue sur la lancée d'un album qui pour l'instant s'avère sans surprise et plutôt très, voire trop facile d'accès. Donc c'est le Ça troisième va. déjà extrait. Et bah il n'y a rien de bien original. En fait, comme on le dit un peu depuis le début, quoi, c'est une espèce de sous-corne. Enfin, Ah ouais, c'est un peu réducteur de dire ça. Donc, enfin, ça s'écoute, mais c'est vraiment. Au milieu d'une playlist, quoi. Voilà, vraiment. franchement. Toi, t'as pas... Moi, j'ai trouvé ça chiant, répétitif, long. Il mettrait une minute et demie à chaque morceau au moins. Enfin, voilà. Enfin, ce morceau-là, en tout cas, bah parce qu'en fait, je pense que ça quand suffirait, quoi. Moi, j'avais beaucoup écouté la BO de la Reine des Damnés, et c'est lui qui avait fait les titres, et dessus, par contre, il chantait pas sur tous les morceaux. Ouais. Et tu retrouves beaucoup de ça, en fait. Mmh. J'ai l'impression que c'est vraiment un peu un truc d'ambiance aussi, tu vois. Ah ouais, ouais, non, complètement. Parce que dans ce morceau-là, il y a quand même pas mal aussi de musique orientale. Il s'est laissé aller à plusieurs choses qui sont vraiment dans le style qu'il fait. Parce que ça ressemble vraiment à ce qu'il avait fait sur La Reine des Damnés. Ouais. Donc, c'est un truc qu'il faut aimer. C'est pour ça que je te dis, en fait, ça passe au milieu d'autres choses. Faut pas l'écouter en... Faut justement pas l'écouter en se disant ouais, c'est le chanteur fond, de cornes, ouais. Quoi. Mmh. Tu reconnais bien son timbre et tout ça, mais après, moi, j'ai le Basic Need, j'ai quand même été même écouter les paroles et tout, et tu fais... C'est Guimauve quand même. Ouais. Donc voilà, c'est pas ouf. J'irai quand même écouter l'album pour voir s'il n'y a pas une ou deux pépites cachées. Mm-hmm. Parce que puis même, ce sera sûrement dans nos albums à écouter pour la semaine prochaine. Parce qu'il faut bien. Faut taffer, mec. Oh ouais, non, mais. Faut taffer. Bah, tu le feras. Mais toi aussi. Ah, d'accord. Flûte. Bah. Désolé. Bah, j'espère. Vas-y, enchaîne. Alors, Devil Driver. Le groupe Devil Driver. Pas le mec. Parce que... Qui a peur de s'ennuyer va sortir un album de reprise country, Till the End, prévu pour le 6 juillet. Donc c'est pas cette semaine, c'est pas la semaine prochaine. Non. Ça, nous l'avons déjà dit. Un album qui va comprendre, entre autres, la participation de quelques copains, à savoir Wednesday 13, Brooklyn Dow, Burton Sibel, Randy Blitz et Mark Morton. Living, c'est rigolo. Et même le fils de Johnny Cash, John Carter Cash, pardon. Un mec plutôt franc. C'est Dieu. Et t'as pas noté la présence de Hank Tree? J'ai pas noté tout le monde, non. Ah oui, d'accord. Il y a Hank Tree aussi. Oui, alors, bah oui, c'est celui qui reprend un morceau de Entry avec Entry. Bah en fait, c'est ce morceau-là. Oui, c'est ça. Oui, bah voilà, c'est ça. Country Heroes. Nous sommes joie. Oui. Nous sommes joie. Nous sommes joie. Tout à fait. T'as écouté ? Donc il y a un extrait disponible sous la forme d'une lyrique vidéo. Ouais. Voilà. Et en fait, moi, parce que je suis un pauvre type, je croyais. Ah bon ? Bah oui, en fait, j'avais pas capté que ça allait être un. Je pensais que. Dis-nous tout. En fait, je pensais que ça allait être un album de country. Ah oui. Ah oui, qui crée... Bah non, mais en fait, qu'ils allaient faire des reprises mais façon country. En fait, non. Ils ont repris des morceaux country qu'ils ont mis à la sauce Devil Driver. Ouais, voilà, ouais. Mais j'y étais pas. Ah oui, d'accord. Du coup, pour ça, j'étais pas... J'étais, oh bah, j'ai écouté, puis là, j'ai fait... Ah oui, quand même, d'accord, ok, c'est... ok. Ah oui, ça, oui. Ouais, là, donc je suis un peu... Parce qu'il expliquait que ça, la country l'a toujours fasciné, ouais. Tout ça, que... Parce que c'est à la base de tout et que le blues et le blues et la country sont... C'est voilà, son métal, son heavy metal. Voilà. Ouais, donc... Ouais. Mais après, voilà. Du coup... J'ai eu l'occasion, justement, moi, de voir un petit peu Hankry quand il était passé au Hellfest. Ouais. Bah, c'est pas mal sur scène, non, c'est sympa. Et après, le titre m'a pas spécialement plus que ça. Mais voilà. Bah, moi, à voir la suite, quoi. J'ai bien aimé ce que j'ai écouté. Agréablement surpris. Sans être méga emballé, mais ça m'a plutôt donné envie d'écouter le reste. Ah bah ouais, ça, par contre, il n'y a pas de souci, je pense. Que... Parce que je m'attendais justement, tu sais, comme ils prévoient normalement en plus un double album, enfin qu'ils ont écrit, tu sais, ils ont préparé ouais. plein de chansons. Je m'attendais vraiment à un petit truc entre deux, quoi, un petit machin. Et en fait, non, ça peut être hyper intéressant de voir tout ce qu'il y a. Donc, ça m'a plutôt rassuré, en fait. Ouais. Alors, Five Finger, je n'y arriverai jamais, hein. Je ne sais pas pourquoi je commence. Donc, Five Finger Death Punch. Injustice for None, une référence se glisse dans le titre du nouvel album qui est sorti le 18 mai dernier, à savoir... Dernier, vendredi. Enfin, vendredi. Ou comme on l'appelle... Oh putain, mais je foire toutes mes blagues. Je marque des blagues, là. Je recommence. Bon, elle compte pas. Je recommence. Vas-y. Rewind. Injustice for None, une référence se glisse dans le titre du nouvel album de Five Finger Death Punch qui est sorti le 18 mai dernier. Ou comme on l'appelle, Vendredi Dernier. Un album que j'ai écouté et que Bob écoutera la semaine prochaine. En attendant, Shem Payne est venu accompagner la sortie dans un clip certifié officiel vidéo. J'ai un pote qui m'a dit ce matin, des fois quand même votre truc, on dirait un peu des piliers de comptoir. Quoi. Ça, ouais, c'est pas faux. Ouais. Donc, bah, l'album m'a pas, pour l'instant, m'a pas emballé. Hein. Je suis même pas sûr de l'avoir écouté en entier. Ah ouais. Ouais. Et tu, du coup, je dois l'écouter pour la semaine prochaine. Ouais, bah, je vais l'écouter à fond, moi aussi, pour être sûr. Ouais. On pourra en parler. Donc, tu essaies de dépasser ta première écoute, tout ça. Et ce type. Même si j'aime. Bah, non. Ah merde. Bah, non. Bah, normalement, il faudrait que tu dépasses même si t'aimes. Déjà, oui, en plus, Five Finger, il faut déjà que j'aime. Voilà. Donc, toi, Shame Pain, t'avais quelque chose à dire peut-être une. Bah, j'aime bien le champagne. Non, bon, c'est non. Et non, c'est le titre qui est là. Ouais. Ah oui, par rapport à. Peut-être que. Bah, je ne sais pas. Non, après, bah, du coup, on a parlé tout à l'heure, mais voilà. Est-ce que c'était pas un clin d'œil ou je ne sais pas au chanteur de Limp Bizkit qui. Fred Durst. Ouais, peut-être. Ouais. Bah, moi, je ne pense pas, mais pourquoi pas. Non, mais après. Et du coup, qu'en as-tu pensé de ce titre ? Pas grand-chose, en fait. Parce que, déjà, à la base, je ne suis pas un gros fan. Je ne suis même pas fan du tout de ce que fait... Le groupe. Voilà. Bah, à noter, en fait... FFDP. Ce qui est intéressant avec cet album, et c'est pour ça que je pense qu'il faut l'écouter, c'est que c'est le premier depuis qu'ils ont changé de maison de disques, parce qu'en fait, ils étaient en procès avec la dernière. Ils devaient encore fournir un disque. C'est pour ça qu'ils ont sorti un best-of à la fin de l'année. Et donc là, c'est le premier depuis le changement. Ouais. Donc celui qui était plus contractuel et qu'ils avaient vraiment envie de faire. Et en plus, avec le retour du chanteur qui a eu quelques problèmes l'année dernière, parce que quand ils sont venus au Hellfest, il n'a pas pu venir, il était remplacé par un autre chanteur. D'accord. Donc normalement, c'est un album, on va dire, un peu important. De ce que j'ai en écouté, moi, c'est qu'on a vraiment affaire à du Five Finger assez mainstream, avec vraiment des trucs qui passent partout. Pour moi, c'est un peu trop. Ce que j'ai écouté me fait un peu trop passe-partout, ça me manque un peu de quelque chose. Mais. Même le clip, hein, je ne l'ai pas spécialement trop. Non. Si à part que j'aime bien juste le bassiste avec sa. C'est ce qui se fait tout le temps en selfie pendant tout le clip pour la blague, ça m'a fait rire parce qu'il a une tête un peu qui fait peur. Ah oui, ah oui, dans la voiture. Et ouais, voilà. À part ça. Ouais. Une petite news. Oui, pourquoi pas. Body Count, tu connais ? C'est un groupe, ils étaient number one. Nouveau clip du dernier album avec Max Cavalera. Mm-hmm. On aperçoit. Ah oui, ça c'est très fort. On l'aperçoit. Qu'est-ce qu'il fout là, Louis ? Body Count, qui s'apprête à ne pas venir enflammer la Warzone, va quand même pouvoir compter le nombre de corps présents cette année devant leur concert assez attendu depuis leur dernière venue. Ah, ils comptaient les corps. Ah ouais, c'est ça. Parce que Body Count. Oui, bien sûr. J'ai compris la blague. Ah. Tu vois, comme quoi, des fois, je suis pas totalement con. Mais j'ai jamais dit ça. Hein. Ouais. Je l'ai jamais dit ici. Tu le transpires tellement. Tu le... Oh, putain. Et donc, j'en suis où? Voilà. Alors, super, quoi, le mec. Sorti en mars 2017, Bloodlust continue de temps en temps, temps à temps, être... agrémenté de singles et de clips. Cette fois, c'est à la chanson All Love Is Lost avec un feat de Max Cavalera, Monsieur Grosse Voix, Grosse Dread et Grande Veste et Gros Short. C'est vrai. D'ailleurs, on peut complètement dire qu'il a été, il a été filmé sur un fond et qu'il a été rajouté dans le clip pour dire qu'il était... Voilà, peut-être même à l'insu de son plein gré. Ça se trouve, il est en train de chanter. Voilà, c'est ça. C'est ce que vraiment, il fait complètement rajouter dessus. Ouais, complètement. Sinon, Non, on entend bien sa voix. Oui, grosse voix. Hein. Ouais, grosse voix. La chanson est pas mal. Ouais, ça envoie. C'est pas mal. Ouais. Le clip m'a un peu surpris. Je m'attendais pas... Oui, moi aussi, ouais, effectivement. Waouh. Ouais. Après non ouais, ça va un peu dans la lignée de tout ce que fait Body Count je trouve dernièrement mais il continue de bien le mettre en avant cet album parce qu'il y a régulièrement des clips qui sortent et tout comme c'est marqué dans comme c'est marqué dans ta news d'ailleurs tout à fait c'est vrai donc et pourtant Body Count t'as pas trop écouté toi Comment ça? Bah, cette année. Non, non, non. Tu vois. Non, c'est vrai. Alors que tout à l'heure, tu m'as quand même dit, je savais pas quoi. Oui, c'est vrai, c'est pas C'est faux. pas faux, hein. Ouais, non, totalement. Tu vois. Ah bah, tu vois, ce sera un groupe qu'éventuellement je pourrais. Par exemple. Éventuellement. Par exemple. Par exemple. Tout à fait. Éventuellement. Pas pour ta part. Oui, comme j'aime à le dire. Disturbe a terminé l'enregistrement de son 7e album. En tout cas, c'est ce que l'Instagram de son bassiste John Mayer semble nous annoncer dans un message assez mystérieux. Celebratory Dinner, New Disturbed Album Tracking Down. Le dernier album du groupe, Immortalized, remonte à 2015. Il remonte ? Ouais, il remonte. Cool. Alors bon, le groupe n'est pas là cette année, mais ils étaient là il y a 2 ans. Oui. Toi, tu es passé de loin, t'as pas fait... T'as je pas... fait coucou quand même. T'as fait coucou ? Ouais. Moi, j'avais regardé, j'avais bien aimé. C'est un concert qui a été quand même pas mal apprécié. De... Oh, moi, ça m'étonne pas. Donc, c'est avec une certaine impatience que j'attends des nouvelles de cet album qu'on n'hésitera pas à vous transmettre de la meilleure manière qu'on sait faire, c'est-à-dire mal. Voilà, comme des piliers de comptoir. Hein. Nine Inch Nails. Où 9 ongles de pouce va sortir un nouvel... T'as écrit ça tout à l'heure, ça. Ce matin, ce matin. Ah ouais. Ouais. Donc va sortir un nouvel EP le 22 juin, donc quasiment demain quoi. Presque, presque. Ce sera le troisième partie de la trilogie, ce sera la troisième partie de la trilogie comprenant 2 autres EP sortis en 2016 et 2017. Et bien sûr un extrait est d'ores et déjà dispo avec le titre God Breakdown The, excusez-moi, The Door. Qui veut dire Dieu brise la porte et s'en fout parce qu'il connaît un bon charpentier. À peu près, hein, ça, la traduction. C'est vrai, non, mais c'est approximatif, c'est bien. Oui, c'est Google Trad. Oui, c'est ça. C'est bien. Ça fait plaisir. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand j'ai vu la sortie du truc, moi, je me dis, Nine, c'est bien, ça fait vachement longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Ouais. Et ben, je vois, ah bah si, un EP l'année dernière, un EP l'année d'avant. Ouais, oui. Et, bah, voilà. Il voilà. Faut suivre, en fait. Pardon ? Il faut suivre. Bah, c'est ça, mais... Il est trop discret, ce Trent. Ouais, c'est donc vrai. On croit qu'il fait rien, alors qu'en fait, il en bouffe, quoi. C'est vrai. Et de tous les côtés. Mais hein. C'est ça. Donc, du coup, toi, t'as écouté. Oui. Moi, pas. Parce que, bravo. Je m'excuse. Sans le mec qui bosse, quand même. Hein. Je m'excuse. Je suis désolé. Et donc, t'en as pas trop tête aimé. Non, pas du tout, non. Ah, pas franchement, du tout. Mais est-ce que t'aimes bien Nine Inch Nails, à base? Bah, en fait, j'aime bien une certaine époque de Nine Inch Nails. Mais après, voilà. T'aimes bien... Je sais plus trop, les anciens albums, je sais plus les noms, j'ai plus, voilà. Comme Pig, enfin tu vois, des titres comme Pig, tout ça j'aimais bien. Mais après, non, j'ai pas trop suivi ce qu'ils ont fait. Ah, je pensais que t'aimais bien, tu vois. Bah j'aime bien, mais là, ce que j'ai écouté... Pas là. Pas, non. Voilà, d'accord. Non, non. Très bien. Je me replonge un peu dans... Bah oui, mais c'est ça. Mais tu vas pas le marquer, donc tu vas pas le faire. Non, voilà, c'est ça. En plus, ils viennent pour Hellfest, donc... Je vois pas l'intérêt. Bah non. C'est clair. Vodoun, un peu notre révélation du Hellfest 2017. Eh mais dis donc. Parce qu'on était tombé dessus par hasard sous la vallée. C'est pas faux. Et on avait fait, oh la vache, c'est pas mal. Bah ouais. Donc Vodoun va sortir un second album, ce qui est déjà un peu osé. Faut quand même le reconnaître. Quand même, hein. Intitulé Ascend, l'album sortira le 7 septembre et bien sûr un extrait déjà dispo avec le vidéoclip de Spirit Past. On reconnaît totalement le groupe avec cette chanson en fait. Il y a tous les éléments de Vodoum, je trouve. Bon, la chanteuse déjà. Bah ouais, avec sa voix, tout ça. Tu reconnais aussi même, et même en termes de musique, parce que ce que j'avais bien aimé, moi, c'est que ça brasse un peu tous les styles de rock, metal. Ouais. Ça va très loin et dans un seul morceau, ils vont déjà très loin quoi. Alors par contre, j'ai quand même trouvé le morceau un peu long. Mais en dehors de ça, je trouvais ça... Ouais, mais il y a pas mal de changements dedans qui fait que tu t'emmerdes pas, en fait. Non, mais il est quand même... C'est pour un morceau, tu vois que t'as quand même un peu l'impression qu'ils en ont mis beaucoup. Ouais. Donc, c'est bien, mais ça peut faire trop. Et là, c'était... Je me suis dit, tiens, c'est long. Et il changeait encore de rythme. Et il changeait... Mais par contre, ça marche bien, quoi. Je trouve ça efficace, en fait. Ouais, c'est très bien. Une très, très bonne découverte. Ouais. En espérant qu'ils reviennent bientôt. Le titre, hein, là, c'est... Là, j'ai été assez étonné, même le clip en lui-même. Quoi, ouais, le clip, ça passe complètement. Ça va, il n'est pas dégueulasse. Par contre, quoi. J'ai moins reconnu la chanteuse, étonnamment, parce que... en fait, moi, je l'ai en photo. Je l'avais prise en photo l'année dernière. Ouais. Et elle est sur mon fond d'écran d'ordinateur. Depuis, d'accord. Et là, je n'avais pas l'impression de la reconnaître, en fait. Ah ouais. Alors que c'est elle. Hein. Bah oui, non, mais c'est sûr. Mais après, c'est peut-être une question de maquillage. De... Bah oui, de parce bordelais. Que oui, ils sont maquillés. Un peu. Mm. Voilà. Ok. À vous-même. Amorphis, le groupe, enfin, le super-héros qui n'existe pas, que j'ai chroniqué dans l'épisode 18, a sorti un album le 18 mai, presque hier, mais plutôt vendredi dernier, prénommé Queen of Time, avec le retour du bassiste originel Holly Pekka, Opulen. Et le même jour, l'officiel vidéo à Monkstar avec la chanteuse Annick van Krimbergen. Allez, je la fasse. Ah oui, t'as chroniqué ça, toi. Oui, c'est vrai. C'est marrant parce que tout à l'heure, en podcast, tu as dit Amorphis, le groupe de black metal. Ouais. Je dis bah non. Et pourtant, tu l'as chroniqué. Mm-mm. Et tu t'en souviens donc pas du tout. Bah non, parce que t'as vu, je pensais que c'était du black metal. Ah ouais, mais t'as écouté 3 secondes et t'as arrêté. Ouais. C'est pour ça. Tu sais ce que je pense des claviers, moi. Oui, c'est vrai, tu les aimes pas très très. Bah du coup, moi j'ai écouté un peu l'album, j'allais te proposer de l'écouter, mais... Oui, et bah écoute, j'aurais bien une idée. Hein, ah mais ça va être vulgaire. Voilà, c'est ça. Ça va pas Bah ça m'a plutôt pas déplu, moi, ce que j'ai écouté. Tiens, tu m'étonnes. J'ai même trouvé ça plutôt inspiré. Bah voilà, ça t'a fait voyager, j'imagine. Non, en vrai, non, j'ai trouvé ça sympa, sans plus. Je m'attendais un peu comme toi à du black metal. Ouais. Mais du coup... Non, mais en fait, je pense que je confonds... Avec un autre groupe. Ouais. Mysticum. Ouais, non, je sais pas, peut-être. Mais après, c'est pas Amorphis, mais ça m'a mais fait penser à Amorphol. Mais tu devrais peut-être aller réécouter, du coup. Et je sais qu'Amorphol n'est pas du black metal, mais tu sais, tout de suite, tu t'imagines. Non, non, mais en vrai, de ce que j'ai écouté, j'ai pas trouvé ça désagréable. Mm. Voilà, ça demanderait à être un peu plus approfondi. Que ce soit que pour le groupe et pour le. Eh bah tiens, allez hop, il sera dans mon groupe de la semaine prochaine. Moi, j'ai... Ah oui, toi tu spoil carrément. Quoi. Ah, je donne aux gens envie de venir. T'as envie de venir ? Non, je donne aux gens envie de venir. Ah ouais, complètement. Ah là, moi j'ai envie de venir. Bah ouais. Bon, après, d'ici là, ce que j'aurais peut-être oublié. Mais, certainement. Bon bah je prends la prochaine du coup. Sauf si t'as quelque chose à rajouter sur cette news. Non, je suis pas fan des claviers. T'iras pas écouter plus alors ? Non, c'est sûr. Moi, peut-être, c'est... je ne sais pas. Bullet for my Valentine, Gravity, 29 juin, déjà dit, nouvel extrait, Letting You Go, fait amusant, la vidéo a été retirée de la propre chaîne du groupe, mais la chanson est toujours dispo sur Spotify. En fait, quand j'ai préparé la news au tout début et que j'ai enregistré le lien, quand je suis retourné la voir après, elle n'y était plus. Ah bah waouh. C'est pas ma faute. Ça, tu sais pas. Ça. En tout cas, j'ai réussi à écouter la chanson. Plus ça va, moins je... Ça va. J'ai pas du tout envie d'écouter cet album. Voilà, Ah, tu vois ? Ah non, non, non, là c'est... Je sais pas. Ah, tu vois ? Bah non, t'as écouté un peu toi ? Oui, j'ai écouté un peu, ouais. Et alors ? Ah bah, pareil. Comme Amorphis. Y'a pas de clavier ? Non, bizarrement. Ouais, je sais pas, c'est un tout. Ah, là, je sais pas. Chez Bullet for My Valentine. Non, non, c'est un tout du récent. Ah, si. Ouais, récent. Ah, oui, peut-être, mais après, moi, à la base, j'étais pas. Je crois qu'à notre rencontre, c'est le premier groupe que tu as dû me citer. Ah, ouais, parce que le premier album, il tue. Ouais. Le premier album est bien. Mais. T'avais pas un t-shirt d'ailleurs ? Non. J'ai pas de fringues de groupe. Non, non, non. D'accord. Non, mais je juge pas, mais j'en ai pas. J'ai des fringues trouées. Ah ? Allez, passe à la prochaine. Oh. Ouais. Excuse-moi hein, si je t'ai offensé. Bon, je vais prendre un peu d'eau. Un peu d'eau gazeuse. Du nouveau chez le fantôme. Casper. C'est sous la forme d'une vidéo Instagram remplie de beau monde, Metallica, Anthrax, Avenged Sevenfold et même Phil Anselmo, oui. Que le groupe a dévoilé un nouvel extrait. The Prequel, qui sortira le 1er juin avec Danse Macabre. Tu l'as vu la vidéo où il y a tout le monde? Non, j'ai pas vu la vidéo où il y a tout le monde. Phil Anselmo, il est vraiment à fond. Il est... Ouais, c'est bien. Ouais, ça m'étonne pas. Et Préquel, en plus de ce que j'ai lu dans le Rock Hard, et il y a une longue interview de justement de Tobias, ouais, et, où il explique tout. En fait, tout ce qui s'est passé de son point de vue à lui, que comment c'est compliqué de, quand t'es entrepreneur, de fonder un truc et de vouloir mélanger ça avec tes amis. À un moment donné, ça coince parce que tout le monde a l'impression de ne plus être au même niveau. Enfin, il explique comment ça s'est passé, que il a fait des erreurs, il s'est trompé, que voilà, machin. C'est intéressant d'avoir son point de vue, vu qu'on avait un peu entendu plein d'autres choses. Il y a quand même un petit côté à un moment donné où je me dis, tu restes un peu un connard quand même. Tu sens quand même. Il a mis du temps quand même avant de s'expliquer. Je pense que c'est plus parce qu'il sort un nouvel album qu'il est obligé, en fait, c'est tout. Oui. Voilà. Après, en vrai, je suis pas sûr qu'il ait envie. Lui, en gros, ce qu'il dit, c'est Ghost, c'est à moi. Je voulais créer un groupe. Par contre, pour jouer en live, il fallait le faire avec des musiciens. J'ai pris des amis à moi et puis ça a merdé. Ouais, en gros, ça, quoi. Ouais. Mais il y a plein de moments où il en parle. C'est même marqué, c'est même précisé dans l'interview. Il y a plein de moments où il fait comme s'il s'adressait aux anciens musiciens, tu vois. Ouais. Donc, c'est assez bizarre, mais lui, il présente vraiment ça comme une entreprise, quoi. C'est assez étrange. Il est entrepreneur, il fait ça. Même si à côté de ça, il y a un côté artistique dans ce qu'il fait, mais il explique vraiment, il y a plein de trucs à gérer, tu crois que tu peux faire ce que tu veux, en fait, tu fais pas ce que tu veux, tu diriges le truc, mais tu peux pas, maintenant, il y a ceci, il y a cela, et que voilà, donc, il essaye d'expliquer. Ouais. Donc c'est... Je comprends le point de vue, mais après, je connais pas ce milieu plus que ça, quand même. Ils sont peut-être 75% à faire ça, et puis voilà. Ouais. Comme il y en a forcément qui font aussi semblant d'être amis juste pour faire un groupe. C'est vrai qu'on a toujours la naïveté de se dire on fait de la musique entre potes ou parce qu'on a envie d'en faire, et puis c'est un vrai truc de clan et de groupe. Mais en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où tu es en train de faire un groupe qui marche un peu, mais que tu remplaces un membre par un autre, ça commence à créer des soucis et tout ça. Donc voilà. Mais l'interview est intéressante parce qu'on a donc vraiment son point de vue. Et ce qui ressort aussi, entre l'interview, donc ce que dit le journaliste, et la chronique de l'album, c'est qu'apparemment, c'est un très bon album quand même. Ouais. Après, il faut avoir aimé Danse Macabre et Rats, qui apparemment, parce que c'est vraiment dans cette veine-là. D'accord. Il y a même des morceaux... Ils sont un peu différents, les deux morceaux. Ouais, mais on retrouve un peu un esprit toujours un peu plus éloigné de ce qu'ils faisaient à leur début, en fait. Ouais. Toi, qui va vraiment plus vers un côté... single qui passe en radio, quoi. À un moment donné, ils le disent d'ailleurs dans l'interview, c'est marrant, ils disent Ghost devient vraiment le groupe qu'on peut faire écouter à notre mère, quoi. Ouais. Et fait amusant parce que j'avais acheté un album de Ghost à ma mère. Ouais. C'est amusant. On est quand même loin de ce qu'ils faisaient au tout début, ouais. Et que ça va de plus en plus vers quelque chose de pop, et que là, il y a donc deux morceaux instrumentaux, et il y a plus de piano qu'avant. Donc voilà, c'est une forme d'évolution ou de changement, mais en tout cas, ça va plus dans ce sens-là. Quoi. Ouais. Même si moi, je trouve les deux morceaux efficaces, j'aime bien, et je suis très curieux justement de ce qu'il va proposer sur l'album pour voir dans l'ensemble. Parce que même si, quand même, Ghost, tout le bordel a fait que c'est un peu sali quand même. Ouais. Et toi, tu l'as trouvé comment, ce nouveau morceau? J'ai moins aimé que Rats, par exemple. Que Rat, t'avais bien aimé. Ouais. Tu la trouves parce que tu l'as trouvé trop. Je sais pas, faut que je la réécoute, mais non, j'ai moins accroché. Mais c'était ma première écoute, donc. Ouais, c'est ça, la première écoute, voilà. Des fois, c'est pas. Très bien. Donc peut-être que je l'aimerai à la deuxième. Espérons. Du coup, arrête-toi là après. Si tu l'aimes à la deuxième. Ouais. Enfin, ça sert à rien. Mais faudrait que je la réécoute parce que du coup, je l'ai écoutée une fois, j'ai pas accroché. Je la réécoute une fois, je l'aime bien. Donc du coup, faudrait que je la réécoute. Ah ouais. Pour une et là, on se l'a fait sur 3. Sur 3. Ouais. D'accord, on l'a fait en 3. On l'a fait en 3 et bim. Powerflow ou le Prophet of Rage, moins connu, mais avec quand même des membres de Cypress Hill, Biohazard, Fit Factory et Dunset, vient de publier un nouveau single de son album Resistance, sorti le 23 juin de l'année dernière, avec le titre The Grind, un clip tout en animation et légèrement décalé. Le groupe va également sortir un EP Bring That Shit Back le 1er juin. Et ça, ce qui est marrant, c'est que la news faisait écho du clip. Ouais. Mais en fait, la sortie de l'EP, je l'ai vue sous le clip, dans le truc de YouTube. Mm-hmm. Parce que j'étais pas du tout au courant. Donc, un clip un peu dégueulasse, enfin, un peu moche dans le dessin, je trouve. Et qui complètement est en train de dire que... Enfin, tu me diras si je me suis pas trompé, mais... En fait, tu peux régler beaucoup de tes problèmes en fumant de la drogue. Quand même. Ouais. C'est un peu... Ouais. C'est un peu ce que j'en ai déduit. Tu vois, c'est genre, t'as une attaque de verre géant, tu lui fais fumer de la drogue, ça va mieux. Il y a... Enfin, après, le morceau est bien... Il est dans l'esprit de Powerflow, ce qui doit pas te parler. Parce que toi, Powerflow... Non. Parce qu'ils viennent cette année. Hein. Ah bon ? Je les ai chroniqués. Où ça ? Chez toi. Là, ils... Hey, ils sont là ! Hey, t'as. Salut les gars. Powerflow. Non. Donc, bah, ils viennent au Hellfest, donc. Ah, oh, Hellfest. Hein, mais t'as pas écouté ? J'ai pas écouté Powerflow. Oui. J'ai écouté le titre. Et ça t'a donné envie d'en écouter d'autres ? Après, voilà, si ça passe dans une playlist, ça voilà. Mais est-ce que ça m'a donné envie d'aller de moi-même aller, faire la démarche, d'appuyer sur Spotify, taper le nom. Il y a Power... En Wolf. Un seul ou deux mots. Oh, pff, ah, Power Wolf. Hein, yeah. Ah, mais non, pas ça. Merde, fais chier, c'était Power Flow. Je suis obligé de revenir en arrière. Ah, ouais, non, c'est, dire, non, c'est pas ça. En plus, je crois que je me suis déjà fait avoir comme ça. J'ai mis un titre et je fais tiens, ouais. Oh, je fais, non, ça colle pas. Et puis parcimonie, elle me fait bah non, ça c'est Power Wolf. Ah, du coup, je crois que je vais pas faire l'effort. Mais... Écoute, ne prends pas de risque, ça serait dommage. Si je me fais un claquage de l'index. Après, ouais, c'est sûr. Ouais. Vas-y. Ah, ta news préférée, je pense. Alors, j'étais en train de lire là ce que j'ai écrit. Clutch. Clutch, un groupe, quel bricolo. Bricolos, c'est-à-dire moi-même, aime beaucoup. Ah putain, d'accord. Je viens de... Refais-la. Clutch, un groupe, quel bricolos, c'est-à-dire moi-même, aime beaucoup. Va sortir un nouvel album intitulé Book of Bad Decision, ou le grimoire de la décision moyennement bonne. Moyen bonne. Ah, c'est la traduction ? Oui. Ah, bah, c'est que... ah, toi, tu prends, tu... Voilà. En septembre prochain, et qui fera la suite de Physical Warfare, sorti en 2015, ce qui est déjà loin. Mais pour patienter jusqu'à septembre, un premier titre a été dévoilé sous la forme d'un clip avec le morceau « Give me the key » ou « Donne-moi les clés » de l'auto Vivian. Et ça, c'est pareil, ça a été traduit... Google Trad. Sérieusement. Bah non, je tape Gimme de qui, il répond, donne-moi les clés de la Sto Viviane. Eh ben, pourquoi pas. Écoute, ils peuvent être très cons, tu sais. Je trouverais ça plutôt drôle, d'ailleurs. J'aime bien Viviane, en plus. Ouais, j'aime bien Viviane. Bah, c'était... Il y a du boulot. Hein. Ah non, nickel. Non, mais je suis fan. Waouh. Félicitations. C'est gentil, merci. Est-ce que donc, t'as écouté le morceau ? Non. Bah si, forcément. Et alors ? Question con. El Bricolos. Bah El Bricolos. Si. Bah si, non. Bah après, c'est oui, c'est tout à fait dans la veine de Physique Warfare. Ouais. Ah non, c'est. T'as l'impression vraiment de. Quand ils disent que c'est la suite, oui, tu te dis ouais, pourquoi pas. D'accord. Justement, Tim Salt était assez satisfait de cet album-là et il disait qu'ils n'avaient jamais eu autant de morceaux que maintenant. Et qu'il allait être un petit peu plus doom, par contre, apparemment. Oui, c'est ce que j'avais lu aussi, ouais, qu'il serait un peu plus doom. Donc, bah, j'ai hâte de l'écouter, mais Gimme the Key me plaît assez comme titre et toujours aussi énergique. Hein, même pour une première écoute ? Ah non, je l'ai écouté 3 ou 4 fois. Ah donc, ouais. Là, c'est bon, je suis large. Ah bah là je suis parti tu l'adores. C'est bon quoi. Moi je l'ai écouté une fois, ça m'a pas plus branché que ça. Ouais. Mais j'ai eu envie de réécouter parce que tu sens que c'est plus difficile d'accès quand même, c'est pas de l'automatisme, c'est pas du comme un autre groupe qu'on a pu citer plus haut qui est c'est pas du Five Finger Death Punch, voilà, c'est un peu plus recherché, je dirais. Ouais. Mais la première écoute m'a pas scotché ou m'a pas. C'est vrai que j'ai eu une deuxième écoute quand même pour me dire ouais faut. Mais après ouais non ça reste du clutch. Hein. Del Felon fait le taf comme d'hab quoi. C'est il est nickel au niveau du chant quoi. Tu sens que c'est des mecs qui voilà. Ils font pas ça pour déconner. Ils font pas ça pour l'entrepreneuriat. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et ça, c'est beau. Ouais. Eh, regarde, donne-moi les clés de l'auto, Viviane. À écouter. Hein, ah. Chez tous les bons c'est tout. Bah, oui. Plateformes de streaming. Bah, du coup, je fais la dernière et tu feras la dernière parce qu'il y a, eu un switchage. Regarde. Ah, flûte. Donc, pour les fans d'Immortal, et il y en a. Ne faites pas les timides. Bref, le groupe, dont le 9e album prévu pour le 6 juillet prochain, mais le premier sans Abbath, s'intitulera Northern Chaos God. Titre également de la première official lyric vidéo. À noter sur vos petits agendas qu'un EP 7 pouces, comprenant le titre Northern Chaos God, sera dispo dès maintenant. Et je voulais vérifier ça, et je n'ai pas eu le temps, parce que on a eu la vie de tous les jours, et quand elle s'en est mêlée... C'est un peu imposé quand même. Ah ouais, non, mais elle est arrivée, elle a dit ça, toi. Je fais, oui, merci. Elle a même pas frappé. Hein. Ah bon ? Elle est rentrée direct. Alors, du coup, j'ai le titre et j'ai pas l'EP. Parce que normalement, ça devait être disponible en digital. Alors, oui, moi j'ai vu la vidéo du clip. Ouais. Et en fait, t'as plein de. Ils te présentent directement, donc t'auras plein de vinyles, CD, machin. En termes de sortie. L'EP devrait déjà être dispo normalement en D'accord. digital mais pas en vinyle. Ouais. Ouais. Et peut-être normalement sur les plateformes, je sais pas. Donc faudrait. Le bleu me plaît bien. Moi. Ah oui. Ouais. Le vinyle bleu, il est joli. Il est joli. Ouais. Ouais. Par contre le titre. Le titre, bah ça reste du black. Hein, c'est ce que j'ai vu. Voilà. En fait ils ont. Il faut savoir qu'Abbath avait amené une dimension un peu plus heavy metal et un peu plus trash ouais. au côté black metal de Immortal. Et que là, ils ont, on va dire Immortal peut-être, pour respectons les black metal. Tout à fait. Et que bah, là, c'est le vrai retour aux sources de Immortal qui veut vraiment retrouver tous ses lettres de noblesse et qui fait vraiment un retour... comment on dit un retour aux sources pour les black metal ? Je sais pas, retour dans la forêt, ouais, c'est ça, ouais, la nature passe, avec des glaives, de la ouais. peinture et des bracelets à clous. Un vrai retour dans la nature pour les fans de black metal et les fans d'Immortal. Ouais. Donc voilà, donc jetez-vous sur le single et ouais, ou sur un pieu. Ouais, ou jetez-vous sur... Bon, ils vont être contents s'ils font ça. C'est... Ah oui, c'est ça. Le mec super dégueulasse. Ah, c'est un truc qui vous excite, les blagues. Bande de cinglés. Bon, bah écoute, je te laisse. Il en reste une, hein, si tu veux. Ouais, bah je vais prendre celle-là, elle est à portée de main. Ah, t'aimes pas. Une petite bouteille d'eau, comme t'aimes ça. T'aimes pas cette lèvre d'été? Parce qu'elle est savoureusement équilibrée et rafraîchissante. Bah tu vois, moi je suis à la Grimbergen blanche, et elle me plaît bien. Idéalement servie à une température de 3 degrés. Mmh, tu sens ça? Voilà. On va faire la dernière alors. Baby Metal, nouveau clip, sacrément stylé au passage du groupe, oui. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas dans mes news. Hein. Je vois bien que. A... bah celle-là, disons que. Mais non, mais c'est que c'est la news, donc. Ah oui. Bah oui. Donc voilà, il y a un nouveau clip de Baby Metal. Ouais. Hein, qu'on a été voir. Donc un clip quand même vraiment bien fait. Ça pour dire. Il amène vraiment un truc avec une histoire qui est en train de se faire, avec la fin, une espèce d'équipe de personnages qui a l'air... Et là, je dois dire que moi, je suis assez content d'avoir vu le clip en écoutant la musique, du coup. Parce que j'étais plus pris sur l'image que voilà. sur le son. Alors que, étonnamment, moi qui ai déjà craché plusieurs fois sur Baby Metal, bah, j'aime bien la chanson, en fait. Je l'aime bien, calmez-vous. Bon, tu l'as chanté tout à l'heure. Ouais, parce que... Non, je l'ai dansé. Oui, c'est avec vrai. Mes mains. En plus. Voilà, donc ouais. je ne la chantais pas. Oui, enfin, tu m'as dit. En fait, musicalement, j'aime vraiment beaucoup et je suis, on va dire, beaucoup moins gêné par le côté japonisant du chant, contrairement à Bob qui, lui, a essayé de se suicider, clairement, et que j'ai essayé d'empêcher. Parce que, oui. Mais, parce que j'ai voulu me pendre avec un cure-dent. Voilà. Et personne n'a jamais réussi. Tu voulais être le premier, tu voulais faire un record. Ah bah, il faut être novateur un peu. Bah ouais, je sais bien, mais les gens sont pas toujours prêts. Donc, allez vous faire votre idée. Je suis pas du tout en train de dire. J'ai eu peur. allez vous faire votre idée sur Baby Metal, le suicide au cure-dent. C'est pas une obligation. Non, bon, on en reparlera plus tard. Voilà, je sais pas non plus demain que j'ai commencé à écouter du Baby Metal, mais j'ai hâte de voir la suite de l'imagerie, de ce qu'ils ont prévu. Ça se trouve, oui, ils ont peut-être prévu la suite. Ouais, ils ont prévu un truc, ouais, ouais, je crois. Donc une voilà. Histoire, parce que là, on voit bien, il y a les quatre éléments, tout ça. Ouais, non, c'est vraiment. Pas un peu c'est... Mais pour le d'Avatar. Coup, pour le coup, même si on n'aime pas, je trouve que la musique va bien avec. En fait. Bah moi, je trouve ça trop répétitif, moi. Ouais. Ça... Et franchement, ça me saoule. Ouais, mais ça va bien avec quand même. Ça va bien avec. Ça va bien 5 minutes, oui. Ouais, mais avec. Avec. Ah, merci. Il suffit d'être patient. Ouais, c'est ça, ouais. Hey, j'ai une dernière news. Je peux la faire ? Oh, bah vas-y, rigole-toi. La regarde pas, sinon tu vas voir. Alors, Korn 10, avec l'ancien batteur de Korn, David Silveira, a annoncé son split. Non, ça... News d'aujourd'hui, hein. Eh ben voilà, formidable, tu vois. Nickel. En revanche, ah. Silveira et ses collègues, le bassiste et les guitaristes, ont décidé de poursuivre leur collaboration et sont à la recherche d'un chanteur pour ce nouveau groupe. Qui s'appellera Korn 11. Je sais pas, mais ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai lu la news. Bah ouais. Voilà. C'est pas mal, hein. Ah bah écoute. Du coup, je pense qu'ils vont pas enregistrer d'album cet été. Ah peut-être, ouais. Du coup, ça peut-être qu'ils auront un empêchement. Au niveau des agendas. Ah peut-être, ouais. Ça va coincer. Ouais. Donc voilà, c'était toutes les longues news qu'on avait à vous raconter, très mal, hein, parce que c'est important de... Bah de continuer, hein. Dans cette veine. Ah. Dans cette veine. Oui, tout à fait, complètement. Donc on va passer maintenant au groupe et album qu'on avait à écouter cette semaine. Ouais. Donc on n'a qu'à faire d'une pierre quatre coups. Donc l'album de Burn the Priest, Legion 20th, ça c'est bon. Ouais. On l'a plus... Enfin, toi, faut que tu l'écoutes. En entier, ouais. Parkway Drive, Reverence, as-tu écouté ? Oui, j'ai réécouté, voilà, avec parcimonie. Et alors ? Bah, que dire, voilà, je suis pas un gros fan, ça passe, j'aime bien, ça va. Très bien. Full Throttle Baby, ça je l'avais écouté la semaine dernière, j'avais dit que j'aimais bien, je sais pas pourquoi c'est encore marqué, peut-être parce que je voulais en écouter plus. Alors, Bed Zephyrs, Devil Went Down Tree, ça j'ai bien écouté. C'est très très. C'est beaucoup plus violent que je pensais en fait. Ouais. Je m'attendais à un truc calme, en fait, c'est très sympa et c'est vraiment bien. Ouais. Alors j'ai pas il tout. Il sort un album là d'ailleurs. Ah oui. Ouais, bientôt. J'ai pas tout écouté. J'ai principalement écouté celui-là. Parce que tu m'avais dit écoute principalement celui-là. Ah bah je t'ai pas dit principalement, mais je t'ai dit écoute celui-là parce que c'est le plus. Je t'avais, pense le plus cool. Quand même un couteau dans la main. Tu m'as dit écoute celui-là. Ah non, j'avais un cure-dent déjà. Enfin tu. Quoi? J'exagère? Ah bah complètement. T'as déjà vu un cure-dent que tu plies dans un truc, dans un fourreau et que tu ranges dans ta poche? Bah oui, un cure-dent de 30 cm de long, oui, j'en ai. Bah, moi je crois tout que gris, tout plat. Aiguisé. Aiguisé. Ah ouais. Ouais. J'étais sûr que c'était un couteau. Bah bon, ça s'appelle un cure-dent. Donc il y en a un nouveau de Bed Zephyr qui va sortir. Ouais, ils sont en studio là apparemment. Ride the Sun, je n'ai plus du tout accès sur Spotify perso. Alors Ride the Sun, bah, pour ma part, comme j'aime à le dire, j'ai accès au premier album mais pas au deuxième. Bah moi j'ai ni accès ni à l'un ni à l'autre. Ah ouais ? Ouais. Floute ? Bah ouais. C'est bizarre parce que j'avais accès aux deux. Faut aller voir sur Bandcamp, peut-être que. Peut-être. Voilà. Sleep, non, ben j'y arrive pas. Hein. Ouais, non, c'est. C'est pas. Ouais. Je crois que c'est pas pour moi. T'as réécouté toi ? J'ai écouté un peu, bah après j'ai pas été réécouté, donc c'est que ça m'a pas accroché plus que ça. Après, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, ils ont sorti leur truc sans prévenir personne, ça a surpris un peu tout le monde. Donc ça doit être un groupe assez. Connu déjà ? Ah, c'est très connu, Sleep. Ouais. Bah, ah, là, c'est une référence même dans le milieu. Moi, je ne connaissais pas et ça m'a pas du tout. Ça n'a pas. Voilà. Faudrait que j'écoute, moi, c'est les anciens albums. Ils n'ont pas tant d'albums que ça en plus. Hein, Sleep, ouais. Hein. Il doit y avoir deux ou trois albums, je crois, avec celui-là. Enfin, c'est même pas un album vraiment, quoi. C'est un six titres. Et oui, en plus, les albums sont pas très longs. Ouais. Mais bizarrement, oui, ils arrivent à tourner quand même avec avec deux albums, je crois, enfin trois maintenant, si je me trompe pas. Mais voilà. Et pourtant, ils sont super connus, quoi. Ouais. Il y a le nouvel album aussi de At the Gate, To Drink from the Night Itself. Je sais pas si t'as été jeté une oreille. At the Gate. Sais, dedans, il y a des membres de Lucky and Fee aussi. Non, je crois pas. C'était marqué, regarde, écoutez, At the Gate. Parce qu'il est sorti vendredi. Eh oui. Non, j'ai pas pris le temps, je suis désolé. Ah, bon, donc on le Non, reporte pour la semaine d'après. Non, je vais l'écouter, c'est sûr, parce Ah bah, que oui, parce que t'aimes Man bien aime At the bien. Gate en Ouais. plus. Après, je me souviens plus si t'avais bien aimé The Lurking Fear aussi ou pas. Bah, c'est Moi. toujours pareil. Il y a certains trucs qui m'ont plu et d'autres moins. Un peu la voix qui m'a un peu gêné Ouais. sur certains morceaux. Sinon, musicalement, je trouvais ça plutôt intéressant. Même bien, plutôt bien chiadé, plutôt bien heavy, on va dire. Ouais. Et ouais, non, ça m'a plu musicalement, mais il y a des moments où la voix, ça me bloque. Bah, moi, de cet album-là, donc de At the Gate, j'ai bien aimé ce que j'ai écouté. J'ai envie de le réécouter un peu plus pour avoir un peu plus à dire. Ce qui est bien, c'est qu'on dit ça à chaque fois Ouais. et que jamais on en dit plus. C'est vrai. Parce Mais qu'on est mystérieux, quand même. ouais. Mais on est motivé. C'est ça. Voilà. C'est Donc, l'intention qui compte. faudrait que tu écoutes aussi le nouvel album de Five Finger Death Punch. Tu te rappelles, on l'a dit tout à l'heure. On l'a Non, dit. tu peux pas m'obliger à faire ça. Tu peux pas Pourquoi? m'obliger à faire ça. Non! Bah, qu'est-ce que tu vas écouter alors? Bah, The Gate. Et? Et Et le Jonathan Davis? Tu peux pas m'obliger non plus, sérieux. Bon, bah, alors, j'ai écouté ça et tu vas écouter du Body Count? Ah, ça c'est bien ça, voilà. Là, ça me plaît, ça. Et du Amorphis? Bien en même temps, ça. T'es arrangeant comme patron. Bah, ça va, moi je suis un mec cool, hein. Bah, il faut bien que tu ailles écouter des trucs, donc qu'est-ce que je te mets là? Faut décider là. At the Écoute, gate. c'est pour la semaine prochaine. On est mercredi. Ouais. Est-ce que j'ai quelque chose de prévu ce week-end, moi? Plein. Bon. Alors, écoute, je te garantis pas, mais j'irai certainement écouter Body Count parce que bah, ça me plaît. D'accord. Burn the Priest aussi. At the Gate aussi, ce qui est déjà pas mal. D'accord, partons sur ces trois-là et ça sera déjà bien. Alors, je te garantis pas, par contre, Amorphis, Jonathan Davis et Five Finger Death D'accord, Punch. bah j'essaierai d'y aller moi. Là. Passons au groupe chroniqué et auquel on s'est un peu plus ou pas penché. Donc fallait commencer par Mosh Generator, qui est quand même l'un des derniers groupes annoncés en remplacement de Electric Marie, donc le vendredi sur la Main Stage 2 dès 11h05 jusqu'à 11h35. Et on écoute tout de suite la chronique de Bob. Voilà. Alors Mosh Generator, c'est un groupe états-unien. Ouais. Voilà, c'est pas mal. Et franchement, moi, je pense que je vais aller les voir. C'est un peu léger comme bio. Non, non, mais c'est très bien. Moi, je vous conseille d'écouter Mosh Generator parce que c'est très bien. Ils sont formés en quelle année? Ouais. Complètement. D'accord. Bon, bah, je vais lire un peu ce que j'ai de leur page Facebook. Ah ouais, d'accord, en plus. Bah, ça va être plus long que toi. Hein. Tu crois? Ah, il est parti, il a trouvé un truc, ça y est. Originaire Ah, allez, vas-y. des États-Unis, les membres de Mosh Generator fondent la formation à Washington Attends, c'est durant moi qui ai l'hiver écrit la nouvelle 2000. Hein? C'est moi qui ai écrit le truc. Oui, ça doit être ça. Suite à une co collaboration d'une dizaine d'années au sein de divers studios d'enregistrement et de dates diverses. Le groupe a depuis sorti 5 albums studio, un rétrospective album, pardon, et un live par le biais de divers labels tels que Rodburn, Roadburn, Small Small Town, Town, Ripple Stone, Nazanin pardon, Reaper, et Layburn. Nasoni et Layburn. Tu notes, c'est le truc de moi, toi t'es en train de dire ça sur un site, Ouais. moi j'ai le truc de Facebook. D'accord. C'est le même. Les concerts ont toujours tenu une place importante dans la vie du groupe, qui a notamment assuré en 2013 26 dates européennes avec Sin Vitus. Très bon. Cela a permis à Mosh Generator d'élargir son public. Juste le public, hein. La formation qui se revendique de filer droit dans la lignée Heavy Rock travaille sur un nouvel album dont la sortie est prévue pour le printemps 2014. Ça date depuis des années avec Listeneb Records. Mm. Voilà. Suivi d'une tournée européenne, ça fait longtemps. Discographie. Voilà. Alors, à savoir qu'ils ont donc sorti 5 albums, comme tu dis, un album de rétrospective et aussi 1 milliard de splits, d'EP et de trucs divers et variés. Regarde un peu la discographie du groupe qu'il y a sur leur truc Alfest. Leur truc Facebook, tu vois, ils ont sorti tout ça. Et à savoir dedans des EP avec des trucs hardcore et tout ça, quoi. Il y a eu des trucs vraiment différents, quoi. D'accord. Ils se limitent pas à du heavy rock comme. D'ailleurs, moi, j'avais un peu de mal à définir le groupe, tellement je trouvais qu'il était un peu. Des coups, c'était un peu stoner, des coups, c'était un peu machin. C'était pas. C'est pas toujours bien ancré. Et justement, ils se donnent le loisir de faire un peu ce qu'ils veulent, un peu dans tous les styles, mais toujours avec une bonne énergie. Mmh. Parce qu'ils sont aussi. Pas, comme par hasard, mais ils sont aussi interviewés dans le Rock Art de ce mois-ci, sans avoir le tampon Hellfest. Ouais. C'est joué Hellfest cette année. Ouais. Et ils expliquent même que sur le dernier album, il y a un morceau. Le journaliste de pose la question de savoir si c'est pas un truc qu'ils ont fait en live, en fait. En fait, bah si, c'est exactement ça, quoi. Ils ont enregistré le morceau, genre il y en a un qui a commencé, puis les autres ont suivi, et ça s'est fait un peu comme ça, quoi. Ouais. Donc, bah, je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais moi, bah, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que c'est direct, quoi. T'écoutes, t'aimes bien, quoi. Il n'y a pas de. Ça sonne, quoi. C'est, la voix peut gêner, un peu. Sur quel album, le dernier ? Non, je sais pas, mais je trouve que. Moi, j'aime bien. Après, ça me pose pas de problème. Bizarrement, parce que je trouve qu'elle est des fois un peu. Elle part plus dans les aigus, mais. Ça m'a moins marqué que des trucs que tu avais eu à écouter. Ça m'a moins marqué, hein. Ouais. Ça me gêne moins que sur Ride the Sun, par exemple. Je pense que c'est parce qu'ils ont un 8 titres qui est sorti cette année. C'est pour ça qu'ils sont interviewés. Ouais, bah, celui-là, ouais. Ouais. Ouais, mais justement, je la trouve pas si aiguë que ça, la voix, moi. Comparé à Ride the Sun, qui, justement, lui, est vachement plus aiguë. Ouais. Bah, je trouve. Ouais, faudrait que je réécoute. Bah, ouais. Enfin, j'ai tellement de trucs que tu confonds les groupes et ouais, les ouais. autres. Ouais. Ouais, mais non, bah, enfin, moi, ça m'a pas du tout. Ouais. Moi, ça m'a pas paru. Mais j'ai bien aimé ce que j'ai entendu, avec une envie, justement, d'aller explorer, vu qu'il y a beaucoup de trucs différents. Ouais. Voilà. Mais j'ai pas ni eu le temps ni pris assez le temps pour le faire, et je m'en excuse, cher auditeur, mais je suis un peu comme toi, j'irai voir Mode Générateur si jamais je suis du côté de Clisson à ce moment là et qu'il y a une porte ouverte, un truc, oui, voilà, qu'il y a de la lumière, on dit, tiens, salut les copains, ouais, ou salut les musclés, ça peut, ouais, si on voit. Qu'avais-tu comme groupe décidé d'écouter dans tes petits groupes à toi ? Tout à fait. C'est exactement ça. C'était At The Gate. J'ai pas gagné du temps. Oh, tu spoil. Ouais. Donc oui, bah, j'avais At The Gate que je voulais approfondir un peu parce que je ne... Voilà. Ça m'a plu, mon écoute de ce petit groupe. Je connaissais deux noms. Même la typo était... un peu similaire à celle de At The Driving, donc c'est pour ça que ça m'a... Alors que musicalement, pas du tout. Mais ouais, non. Comment pourrais-je dire ? Avec des mots. Avec des mots. Très bien. Non, j'ai bien aimé. Non, franchement, j'aime bien At The Gate. Et, alors pourquoi, je ne saurais pas dire pourquoi j'aime bien At The Gate. Ils ont un truc, certainement, qui fait que ça passe. Peut-être moins... Non, je pense que la prod est bonne et que musicalement, c'est propre. T'as réécouté beaucoup ? J'ai pas réécouté beaucoup, j'ai réécouté un peu, mais voilà, ce que j'ai réécouté m'a plu. Il passe le samedi sous Altar. Non, il passe le dimanche, pardon. Dimanche sous Altar, à 21h30 jusqu'à 22h30. Veux-tu savoir en face de qui ? Bah non, mais je sais, je crois. En face d'Iron Maiden. Ah voilà, c'est ça. Et Kadabar. Serait-ce qu'on appelle un choix cornélien ? Ah bah totalement, ouais. Entre Maiden et At The Gate. Bah il a... Entre les deux, mon cœur balance. En fait, je te rappelle quand même que tu avais dit que si tu avais l'occasion, tu retournerais voir Maiden quand même. C'est vrai. Mais voilà, après, ça dépend pas que de moi non plus. Ah, carrément, tu vas faire petite couille sur ce coup-là pour dire, bah, c'est pas que moi, donc... Non, mais après, voilà, c'est... Parce que, voilà. Bah, non, écoute, tu parce peux... Parce que, voilà. Tu peux très bien. Ça, c'est de l'argument, quoi. Je ne sais pas encore, pour l'instant, c'est... Est-ce qu'on est liant, comme tu dis ? Ouais. Parce que d'un côté, il y a un groupe que j'ai déjà vu, mm-hmm. mais que je n'aime bien. Ouais. Et de l'autre côté, il y a un groupe que j'ai découvert là, que j'ai découvert cette année d'ailleurs. Et que j'en aime bien aussi quand même. Bah oui. Et que j'aimerais bien découvrir et au moins voir sur scène une fois pour me dire hey, j'ai vu Iron Maiden. Tu vois? Bah je ouais. Moi ça, je... c'est le je pense que on est je suis pas le seul enfin forcément mais il y a plein de gens qui doivent être dans ce cas-là quoi et... C'est ça. Personne cède, quoi. On s'entraide pas. Dire, tiens, moi, j'ai trouvé une solution pour... tu vois, genre, j'ai tué le chanteur. Bah si, la solution, c'est de faire un petit bout à un endroit, un petit bout à l'autre. Donc, c'est Valais et Altar. Ouais. C'est pas loin. C'est jouable. C'est jouable. Si je prends ma trottinette. Ou en marchant sur les gens. Ouais... Ouais, est-ce que je pense qu'il y aura du monde. Non, plus. Je sais. En plus, c'est le meilleur endroit. Tu commences à Cadavar et tu pars en slam. Ouais, mais entre les deux tentes, c'est chaud quand même. Bah, tu pries. je prie, ouais. Totalement. Ah. Surtout que là, la plupart du temps, en plus, c'est de la flotte et de la poussière. Et de... Bah, ça je tente. Prie pour pas me vautrer la gueule. Ah, bah, c'est oui, c'est pour ça, oui. Et pour pas de me faire marcher dessus à mon tour. Par la suite. Donc, est-ce qu'on peut espérer que d'ici quelques jours, tu écoutes un peu plus d'At The Gate ? Ah oui, non, c'est sûr. Très bien. C'est sûr. C'est prévu. Ok. Dans mon programme de la semaine. Donc, moi, j'ai pensé à mon premier choix, qui était donc de réécouter un groupe où j'ai un peu le sentiment d'être passé à côté, à savoir Cro-Mag. En fait, ce qui s'est passé avec Cro-Mag, c'est que j'ai vraiment eu l'impression d'être passé à côté du groupe de référence que tous les autres groupes de la Warzone sur lesquels je suis tombé citent. Toi, même Burn the Priest, ils en reprennent une chanson et tout ça. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas possible. Le groupe ultra connu, que je ne connais pas. Voilà, c'est ça. Et en fait, qui était. Ah, donc tout vient de là, tout a commencé par là. D'accord. C'est ça. Ok, ils étaient là à la base, c'est eux qui ont influencé tous les autres. Et ben, en étant le plus honnête possible, j'ai dû réécouter à peu près les mêmes choses que ce que j'avais écouté la première fois. Et bah, d'accord, bah, je sais que c'est la base maintenant, mais je ne suis pas plus. Voilà, bah je préfère les gens qui ont été influencés par Cro-Mag que Cro-Mag. Tout quoi. Voilà, ça marche pas sur. Enfin, ça marche pas sur moi, vraiment. C'est pas. C'est. Il y a des références, il y a des groupes de références comme ça, comme là, je vois Bad Brain, c'est pareil, c'est un groupe qui est référencé. Enfin, il y a plein de gens qui. Comme là, Randy Blitz qui disait. Pour Burn the Priest, moi je sais que bah, Neil Fellon aussi de Clutch, alors que Clutch au début c'était plus hardcore, assez péchu que je crois que Bad Brain, si je me trompe pas, c'est un peu punk raga, quoi, on va dire. Et c'est vrai que c'est des groupes comme ça, comme Melvins, c'est pareil, c'est des groupes vachement référencés et cités par des groupes bah, de metal ou de hardcore, alors que c'est pas du tout ça, quoi. Non, mais là, on est quand même sur une base de punk, mais juste ça marche moins sur moi. En fait, c'est pas moi, je vois pas le truc. Ouais, après, c'est pareil. Des fois, c'est aussi une question de contexte. Tu vois, quand les gens ils se servent de ça de référence, tu dis ah bah ouais, d'accord, parce que à cette époque-là, c'est je vais pas dire il y avait que ça, mais c'était eux qui tiraient leur épingle du jeu, et qu'aujourd'hui, bah ça fait un peu plus noyé au milieu de la masse de tout ce qui existe déjà, et donc c'est un peu plus du mal à briller. Pour moi, voilà. Mais je serais quand même curieux en fait de voir, parce que j'ai quand même entendu Terror, je crois, qui avait l'air de dire que ça envoyait encore du lourd en live, et je serais plus curieux. Je dis pas que j'irai forcément, mais je serais plus curieux. Il passe le samedi en Warzone. Quelle surprise. Je me souviens qu'ils avaient déplacé leur horaire avec Ed Bread, justement. pour qu'il puisse jouer plus tôt. Donc il passe le samedi à 22h55 jusqu'à 23h55 face à Watten et à mi-chemin avec Avenged Sevenfold. Donc il y a quand même de grandes chances que j'aille jeter un œil. Après, c'est un peu un truc bâtard parce que juste avant, tu as Chitwan of Bodom, Dead Cross, la moitié de Limp Bizkit. Voilà, donc c'est un peu. Mais je vais quand même essayer d'aller voir. Peut-être pour aller me faire une idée en live et de voir ce qu'ils proposent. Parce qu'en plus, comme c'est des groupes un peu anciens, il n'y a pas forcément tout sur Spotify. Il faut aller fouiller ailleurs ouais. pour trouver tout. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter un peu, toi, Chromag. Bah, en fait, je connais Chromag, je connais depuis pas mal de temps. Mais c'est comme tout, c'est pareil. Je connais pas mal de groupes de noms et quelques titres. Avec tous les Epitaph Records et tous ces trucs-là. Mais après, pour citer un titre ou un morceau en disant hey, c'est du Chromax, non, franchement, pas du tout. Donc, je ne connais pas plus que ça Chromax, mais voilà, ça ne demande qu'à être découvert ou redécouvert, peut-être, éventuellement. D'accord. Eh ben, tu peux passer à ton autre groupe. Qui fut Stray From The Past. Il n'est pas marqué là, mais c'était ça, je crois, non ? Non. Non, Modern Life is War. Modern Life is War. Alors, Modern Life is War, qui passe, si je ne me trompe, je ne l'ai pas là. Il passe Warzone samedi. Ouais, parce que je l'ai pas. 16h45 à 17h35. Voilà. Donc, c'était un groupe que tu as chroniqué, toi. Ouais, la bagarre. La bagarre, moi de ce que j'ai écouté, pas plus que ça. J'ai plus senti un mec ultra écorché, quoi. Au chant. Non, tu vois pas le. Ouais. Ah, j'ai cru reconnaître vraiment le chanteur de justement At the Driving, quoi. Au chant, c'est écorché comme il n'y a pas, quoi. Et musicalement, j'ai pas trouvé ça plus la bagarre que ça, tu vois. Bagarre quand même. Ouais. Bah ouais. Ouais, mais. Pas que. Ça. Pas tant que ça, vraiment. Bah oui, moins bagarre que Madball ou Headbread. Et... Ouais, voilà, ouais, c'est moins hardcore, tu vois, dans le oui. côté péchu, quoi. Oui, moi. Là, c'est plus posé, je dirais, quoi, justement. Modern Life is War. Bah plus. Ouais. Après, c'est quand même. La bagarre. Non, ouais, mais c'est, c'est considéré comme un groupe de hardcore mélodique qui est aussi un des plus influents de l'histoire, hein, de 2002 ouais, à 2008. Ouais. Hein? Mais, oui, certainement. Mais après, voilà, j'ai voulu revoir un petit peu ce que ça donnait. Et, ouais. Je me suis dit que tout ce que j'ai écouté de Modern Life, c'est plus une espèce de... comment je pourrais dire... De gueulage voilà sur la vie actuelle quoi, c'est vraiment un écorché quoi, écorché qui dégueule ce qu'il a à dire quoi sur tu le vois plus comme c'est plus posé moi je trouve musicalement que tu sais, tabassant on va dire. Ouais. Bah, j'aurais pas forcément dit posé mais un peu de bagarre quand même. Ouais, mais par exemple, Headbreed, pour citer vraiment l'exemple. Ouais, ou Madball. Là, c'est direct, ou Madball ou Terror, quoi, c'est pareil. Oui. Là, ça trempe dans la gueule, quoi, direct. Quoi. Ouais, tu sens qu'il y a le... Tu vois, là, oui. Tu dis, ouais, bagarre, quoi. D'accord, coup de coude et. Voilà, c'est ça. Coup de coude là. Jeu de jump, tu vois, coup de pied latéral. Mais d'accord, on va dire, c'est un peu plus. Dans ce cas-là, je suis d'accord. Ça va un peu. C'est un peu moins rentre dedans. C'est un peu moins bulldozer. Ouais, voilà, ouais. Puis c'est moins énergique, tu vois. Moins entraînant, ouais. L'énergie. Ouais, t'as moins envie de balancer les bras, quoi. Je veux dire. Là, t'as juste envie de... Bah, moi, tu vois, si je... pour ma part, je me voyais vraiment regarder Modern Life, je resterais plutôt à regarder la prestation des mecs plutôt que de me dire je vais rentrer dans un circle pit ou aller pogoter, tu vois. Voir comment le mec se... Tu vois ce que je veux dire ? Vit son truc. Ouais, vit son truc sur scène, quoi. Bah, t'as écouté quoi ? Je ne sais plus, c'est un album en noir et blanc. J'ai pas le nom, je me rappelle pas du nom. En tout cas, donc il passe. C'est une rue, je crois, si je me trompe pas. Il passe le samedi de 16h45 à 17h35, je l'ai dit, face à El Young et Jonathan Davis. Ah, t'as vu, c'est un choix cornélien encore. El Young, ouais, faudrait que je vois, mais je sais qu'on l'a vu la semaine dernière. Celui-là. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais. Je crois en fait que ça, c'est un ancien. Je crois. Enfin, je crois que ça doit être le ouais, premier. Ouais, peut-être que j'écoute à la rigueur ce qu'ils ont fait récemment. Ouais, je crois que je crois. Je peut-être me demande qu'ils sont un petit peu plus. Baf. Ouais. Faudrait que... Ouais, non, à voir. En tout cas, tu as aimé ce que t'as écouté? Aimé, j'irais pas jusqu'à aimer, mais curieux. Ouais. On va dire. Et je pense que ouais, je pourrais mettre trois cagettes. Dans ma... Trois cagettes quand même. Ouais, trois cagettes. C'est ouais. Pas mal. Hein. Ouais. Mais tu préférais aller voir El Young que ça? El Young, rappelle-toi. Je ne sais pas. C'est... Ouais, non. Non, enfin, je pense que j'irais plutôt facilement voir Modern Life Is War. Non, non. Moi, j'irais pour le titre, parce que je trouve que c'est bien. Ouais. Modern Life Is War. Et puis, la bagarre, quoi. Bah, un peu, hein. D'accord. Autre chose à ajouter? Non. Eh bien, moi, j'ai passé à un groupe que j'avais... qui est un peu le premier groupe même que j'avais cité quand je disais hey, « je me souviens plus de tel ou tel groupe », qui était un groupe de chez toi, qui était Oranzi Pazuzu. Pazuzu. Qui joue sous la Temple le samedi de 15h05 à 15h55. Qui joue face... Alors, pas... À la mer. Non. Parce qu'il n'y a pas la mer à Clisson. Qui passe face à Tremonti et Turnstile. Ouais, bon, bah, je vais voir Tremonti, hein, parce que... Oui, oui, bah, oui, forcément. Ah. Et puis, bah, j'ai réécouté, donc, et en fait... Pouh, c'est pas... Ouais, hein. Non. Ouais. Ouais, non, non. Hein. Non. Non. Il ouais. Y a des groupes comme ça. Ah, c'est pas ouf, comme bah... je dirais un certain... Je m'attendais à autre chose, en fait. Je m'attendais à autre chose et... Mais moi, je savais pas à quoi je m'attendais, en fait. Enfin, je dirais à quoi m'attendre, en fait. Non, mais en fait, quand j'ai voulu réécouter, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais, ah, en fait, je suis tombé sur du black metal qui m'a pas parlé, en fait. Et, ouais. Donc, du coup, j'étais pas... Alors que pourtant, je fais des efforts cette année. Donc, c'est vrai. Mais là, non, ça a pas du tout... Ça n'a pas... Tu veux, j'ai écouté un album, le dernier, et à la fin, j'ai dit, bon, non, bah, je vais pas plus loin. Et c'est marrant parce que ce matin, je crois, j'ai repensé au groupe, j'ai... Putain, mais je l'ai écouté ou pas? Je m'en souvenais plus. Et j'ai été revoir l'album. J'ai... Ah oui, si, j'ai écouté ça. Et j'ai fait non. Enfin, tu vois, vraiment, c'est comme si je faisais un rejet. Ouais. Donc. C'est lui d'ailleurs. Bah, il va bien. Ouais. Roger. Ouais, mais j'ai pas de nouvelles. J'en ai pas demandé. Oui. Mais j'ai demandé à Nico. Et donc? Il était pas au courant, il va se renseigner. Ok. Je lui ai dit que j'allais faire pareil et le premier qui a des news dit à l'autre. Bien sûr. Du coup, j'attends un peu. Normal, hein, c'est la base. Ah, la technique de, ben, voilà. De la protection. Non, je mets la garde. J'ai pas de news. Je mets la garde. Voilà. Je mets la garde et voilà, je suis prêt. Voilà, donc non, voilà, Oranzi Pazuzu, c'est pas pour moi. Et c'était pas pour toi non plus. Non, non, non, de base, hein, de ce que j'en ai, de ce que j'en ai écouté, non. Donc voilà. Même pas curieux. Hein, ce... Ah non, ouais, non, là, pas envie d'aller non. Plus loin non plus. Là, c'est bon, là, j'ai fait le tour. Enfin, j'ai fait le. Voilà. Ça m'a pas du tout. C'est pas pour moi. Donc, ton dernier groupe. Oui, alors, bah, moi, c'est. C'est quoi alors, on peut tu dire, m'as c'est dit, ta. T'as choisi la facilité, forcément. Alors, je vais le dire en public. Je vais même te dire exactement ce que j'ai dit. J'étais au taf tout à l'heure. Je suis passé à côté de Tony. Je me suis dit, putain, Bob, qu'est-ce qu'il a foutu? Puis, bah, quoi? Là, il a mis un groupe, mais il a encore rien compris à ce qu'il fallait faire. Après, je me suis repris. Non, c'est lui qui m'a dit. Bah non, mais en fait, il a fait ça pour rien avoir à faire. Et c'est qu'est-ce que tu m'as dit? Que t'as fait ça pour avoir. Rien à faire. Non, c'est pas vrai. En plus, toi, tu as nuancé. Tu m'as dit, bah non, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté. Voilà. J'avais envie de réécouter. Mais ça, c'est une excuse. Ok. Donc en gros, j'ai rien à dire. Quoi. Si, bah si, attends, tu peux t'exprimer maintenant. On n'est pas chez Ghost ici, hein. Tu peux totalement t'exprimer. C'est vrai? Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'argent en jeu à partir du moment où il y aura de l'argent. Ouais, c'est vrai, là, là, par contre, tu as bien fermé tes mouilles, quoi. Donc, je t'en prie. C'est bon. Non, mais c'est bien, au moins, tu me préviens. C'est gentil. Je n'aime pas faire des coups en traite. Ouais, je préfère que les gens soient au courant. Ouais. En général, c'est le premier truc que je dis. Je te préviens, je suis un connard. T'es trop marrant. Ouais, bah, tu vas voir. Moi, je t'ai prévenu après, si tu veux. Bah, je suis là. Hein. Bah, oui, bah. Enfin, non, c'est toi qui es là. Oui. Et c'est là où je suis très fort. Oui, c'est ça, tu timises carrément. Un génie. Jusqu'à que, schlack, l'estocade. Ce qui m'a rappelé d'ailleurs la phrase de parcimonie, mais on se voit jamais. Je dis, attends, je suis toutes les semaines chez toi, quand même. Mais oui, mais vous ne vous voyez jamais. Quand même. Bah ouais, mais à la faute à qui? Qui me fuit? La faute à... Ouais. À tu Félix vois. Gray. C'est vrai, mmh. Il y est pour beaucoup. Non, alors, en vrai, c'est vrai que prendre Orange Goblin comme groupe à réécouter... Bah, peux... pour le plaisir. Oui, mais c'est pas... Ouais, mais t'as pas besoin de le faire dans, dans l'exercice du podcast, du coup. Vu que t'as d'autres trucs à écouter, genre Body Count ou... Oui, bah que je ferai, certainement. Ok, Google. Il est parti sur... Il me le relance, en plus, ce con. Donc, puis vas-y. Il est parti sur Body Count. Quand même. Donc, Orange Goblin, alors. Voilà. Eh ben, c'est un... Eh ben non, moi j'ai rien à dire. Ah c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit facilité. Ben ouais, non, mais j'ai rien à dire. Orange Goblin, c'est... Voilà. Voilà, le mec, il boot, il est vexé. Non, non, je boot pas, non, mais j'irai les voir, ça c'est sûr. Et du coup, t'as réécouté quoi? J'ai réécouté... un album. Enfin, quelques titres d'un album. C'est bien. Voilà. Très bien. Et il passe quand? Il passe... ouais. Le dimanche, je crois, non? Bah, c'est marqué. Ou le samedi. C'est marqué? C'est marqué sur ton truc? Ouais, il passe le samedi, c'est ça. De 19h40 à 20h40. En plus, ils font un set d'une heure. Putain, top. Donc le samedi, 19h40... Ah oui. Ah oui, mais non. Non. Non. Bah. Ah, bah non. Pourquoi non? Déjà, il passe un tout petit peu avant le début de Body Count. Déjà. Oui. Ça, ça peut être un problème. Mais surtout, le, leur set est pile poil en même temps que Cataclysme. Ah, flûte. Ah, bah oui. Ah, merde. Là. Ah, bah du coup, je pense que apéro. C'est genre, on se prive tous les deux d'un groupe. Carrément. On est obligé. Ah, bah oui. Ah, mais quand même, Cataclysme, moi, je l'ai jamais vu. Ah, oui. Bah oui. Non mais moi je m'en fous, de toute façon ce sera Orange Goblin. Et c'est comme ça, et c'est tout. Pff, t'as même pas précommandé un nouvel album d'Orange Goblin. Alors je vois, qu'est-ce que je veux. Alors que moi, Cataclysme, oui. Et je peux même précommander Orange Goblin si je veux, mais je le ferai pas. Bah voilà. Voilà. C'est intelligent, tiens. Qui c'est qui gagne? C'est l'amour. À la fin, c'est l'amour qui gagne. Ouais, c'est toujours l'amour. C'est toujours, l'amour qui... toujours les gentils qui gagnent. C'est toujours... bah, ah, ouais, j'allais dire un truc, mais non, pas toujours. Non, c'est mais... ma bite, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, du tout. Bah, je sais pas, tu m'as dit tout à l'heure qu'on pouvait le placer n'importe où, alors du coup, je pensais... J'ai jamais dit ça. Alors, là, tu pouvais pas... placer ta bite n'importe où. Non donc... C'est faux. N'écoutez pas ce qu'il dit. Je ne peux pas la placer n'importe où. C'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu m'as dit. C'est pas du tout ça que j'ai dit. Tu m'as... Mais comment tu sors ça du trône? Ah, je place ma bite n'importe où. Bah, non. Non. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est pas ça que je t'ai dit. Tu déformes mes propos. Je dis, tu peux... Oh, ça craque. Allez, dernier groupe de moi. Attends, j'ai peut-être des trucs à dire. Ah, bah, c'est... Excuse-moi, est-ce que tu as des trucs à dire? Ouais, plein. Vas-y. Mais je les dirai pas. Parce que... le fais pas pour moi, hein. Fais-le pour les auditeurs. Oui, ils méritent pas. Parce que tu m'as... Voilà. Non, je boude. Allez, vas-y. Ah, il boude. Oh, c'est tellement 2018. Bah ouais, grave. Hashtag je boude. Hashtag je boude et c'est de sa faute d'abord. Ouais, non, non, non. Alors, le dernier groupe, j'ai choisi un groupe que j'avais déjà chroniqué, Alice in Chains. Bah alors. Pour la période que j'avais pas écouté lors de ma chronique, à savoir la période qui avait continué malgré la mort du chanteur qui s'appelait Stan Laney. Ouais, un truc comme ça, ouais. Je sais plus non plus. Ouais. Stan Laney, ouais, je pense. Pas tout à fait ça, mais c'est. Il y a quelque chose comme ça. Alors, vas-y, fouille. Ah, je vais regarder quand même. Laney Stanley. Yes. Ou Lane Stanley. Ça dépend comment on prononce, ouais. Mais je pense qu'on dit Laney. Laney, ouais. Je sais pas comment tu prononcerais ça, toi. Lane ? Oui, Lane, ouais. Lane, ouais. Bon, bref. Donc, toute la période qui a suivi la mort, en fait, ils ont eu un long creux où il ne s'est rien passé. Et ça a redémarré avec un nouveau chanteur. Et en fait, cette période-là, je ne la connaissais pas. Du tout. Jerry Cantrell a fait des trucs, je crois, avec. Il avait signé chez Roadrunner avec des membres de Faith No More. Ah bon ? Ouais. Ah bon ? Ouais, il avait refait un groupe avec une espèce de super groupe avec. Je crois que c'est le bassiste de Faith No More et d'autres membres, si je ne me trompe pas. Ah bah peut-être. Attends, voilà. Je regarde vite fait. Pif paf pouf paf pouf paf pouf paf pif pif paf pif paf pouf carrière solo. Ah, il a fait la musique de Last Action Hero. Oui, c'est pas faux, exact. Et il a fait une chanson sur The Cable Guy. Si. Ah, écoute, c'est marqué chez Roadrunner Degradation Trip. Ouais, peut-être. Ouais. Non, c'est pas précisé. Bon, bref. Et donc, il y a eu deux nouveaux albums avec donc, un nouveau chanteur, dont un que tu avais écouté. Oui. Et donc, je me suis consacré à ces deux albums. On sent pas encore. J'avais dit la semaine dernière qu'ils avaient sorti un nouveau single parce qu'ils avaient ressorti un nouvel album et qu'on retrouvait bien tout le côté qu'avait fait la force d'Alice in Chains de l'époque, de la première partie de leur carrière. En écoutant les deux albums, eh ben, je n'ai pas retrouvé tout à fait ça. En fait. Je trouvais que ça ressemblait plus à un démarrage de quelque chose. En fait. Ils ne savaient pas trop comment se placer. Il y a des bons titres, il y a des trucs intéressants, mais tu n'as pas le côté ultra dépressif d'Alice in Chains avec la musique un peu répétitive justement de Cantrell, les espèces de riffs qui se répètent pour créer une ambiance un peu lourde. Tu n'as pas tout à fait ça encore, alors que sur le single que j'ai posté ce matin, enfin cet après-midi plutôt, qui est donc un single du prochain album, tu retrouves bien tout ça justement, je trouve. Moi, je retrouve vraiment ce qu'a fait la force d'Alice in Chains. Ouais. Et dans les deux précédents albums, un peu moins en fait. C'est une espèce, j'ai l'impression, alors le premier surtout, ça fait transition, et le deuxième commence à imposer son style et tout ça, et je pense que ça va être vraiment celui qui va sortir maintenant, qui va être vraiment le retour d'Alice in Chains, avec ce nouveau chanteur et cette nouvelle voix, du coup, qui arrive quand même à beaucoup s'en rapprocher. Hein. Parce que, tu sais, ouais. Avec Spotify, quand tu as fini d'écouter un album, ils t'ont mis soit d'autres chansons du groupe, soit des trucs qui s'en rapprochent. Et en fait, au bout d'un moment, des fois, j'avais l'impression de retrouver la voix de Laney. Ouais. J'avais l'impression de... En fait, parce qu'elle s'en rapproche un petit peu. Elle n'a pas la tristesse, je trouve. Mélancolie. Voilà, et la mélancolie. Je trouve qu'il n'y a pas ça dans la voix. Mais sinon, c'est quand même un mec qui chante plutôt bien et tout ça. Donc, je suis assez curieux et plus impatient d'écouter le prochain que hypé par les deux que je viens d'écouter. Ouais. Mais j'ai quand même un peu envie de voir le groupe sur scène. Et à savoir que j'ai quand même vu une vidéo d'un live de la chanson « Wold ». Donc, sans Laney, mais avec James Hetfield de Metallica au chant, ben, ça le fait pas. ça l'a pas fait, ouais. Justement. Donc, moi, j'ai pas aimé. Pourtant, lui, il avait l'air d'être très, très content d'être là, mais moi, ça m'a. Enfin, j'ai pas aimé parce que James, il est pas. Il a pas cette. Je dirais, il a pas non plus cette mélancolie-là, quoi. Il a autre chose, mais il a pas ça. Ouais. Donc ça marche pas pour moi. Du coup, tu l'as écouté, le titre que j'ai posté, toi? Non. Eh ben, il est sympa. Ouais. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bah ouais, bah, j'irai écouter. Ouais. Voilà. Mais je pense que oui, il faudrait que j'arrive à approfondir les, bah, les deux derniers albums, quand même. Bah, le premier, ça fait vraiment... tu sais, genre, on essaye, on s'échauffe. Ça fait vraiment... ça fait pas abouti, je trouve, dans le truc. Quoi. Ouais. Ça fait, C'est peut-être ça qui m'a arrêté, justement. Mais c'est pas le dinosaure, hein, c'est celui d'avant. Ouais. Le dinosaure, c'est le dernier. Ouais. Après, il y a peut-être ce côté, justement, parce qu'il est pas non plus tout à fait... ils ont pas encore atteint cet équilibre, je dirais. Voilà. Et il passe... J'ai dit avec qui il passait, face à qui ou pas ? Mais non, justement. Ah, c'est ce que t'attendais. Tu brûles d'impatience. Ah bah oui, totalement. Il passe face à Septic Flesh et Glucifer. Ah bah ça va. Donc voilà, on a fait le tour des groupes. Donc la semaine prochaine, on passe sur quel groupe ? Zwinkels ou l'autre ? Voilà. Bah Zwinkels. Ouais. Ok. Et sinon, avant de partir, on peut peut-être revenir sur la reco que nous avait fait Julien et qu'on n'avait pas, on lui a pas répondu sur la page face de Buck. Voilà. Donc on l'a écouté tout à l'heure le morceau. Donc bon, je pense communément, on peut dire que nous c'est non. Voilà. Alors, on va essayer de juste d'aller un tout petit peu plus loin. Musicalement, ça le fait. Ouais. Mais dès que ça chante, non. Ouais, c'est pas pour nous. Mais on te remercie, hein, n'hésite pas à faire d'autres recommandations. Tout à fait. On n'ira peut-être pas les écouter, mais on sera content. Voilà. Ça agrémente un petit peu le truc. Non, mais ouais. Donc, voilà. Ça m'a pas donné plus envie d'écouter Savage Messia. Mais content de savoir que c'est ce qui t'a le plus plu. Plus hein, dans ce que t'as écouté en nouveauté. Voilà. Voilà. Du coup, bah voilà, ça fait déjà 1h46 quand même. Hein. Ah, quand même. Ah, bah écoute, oui. Ah bah, il serait temps d'aller pisser. D'aller faire dodo. Aussi. Ouais, parce qu'il est 1h10 du matin. Déjà. Ah, bah, ça passe, hein, quand on s'en dit pas. Putain, la vache. Du coup, bah, on se retrouve. Alors, la semaine prochaine, du coup, comment on fait ? Parce que la semaine prochaine, tu sais, c'est les. Parce que du coup, ça nous mettrait lundi. Ouais, c'est ça, ouais. Ou alors, on repousse. Tu sais, on fait une semaine blanche. Mais on sait que les semaines blanches, c'est dur. Comme les nuits blanches. Ça, les nuits blanches, c'est fini. C'est plus de notre âge, là. Parce que, du coup, on part dans... Alors, 1, 2, 3, 4 semaines. On part où ? Bah, moi, je vais en vacances. Ah oui ? Ouais, donc je pars dans 4 semaines. D'accord. Donc, voilà. Très bien, eh ben on va en parler hors antenne. Je vois que ça. Que, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah, je sais pas, tu t'es chaud pour lundi, toi ? Là, tout de suite, là, comme ça, depuis temps blanc, un peu des équimaux, ça mange. Mais ouais, non, après, ça pose pas de problème plus que ça. Bon, bah, on en reparle. T'es en train de mourir de froid dans ta chaufferie ? Non. Paradoxe. Ou c'est la fatigue qui te gagne ? C'est la fatigue qui me gagne. Ah, très bien. Donc on arrête là alors ? Oui, tout à fait. Bon, bah, on vous souhaite à tous une très bonne semaine, une bonne fin de vie, à ceux qui sont en fin de vie et qui nous écoutent. Voilà, tout à fait. On peut pas vous souhaiter mieux que ça pour finir votre vie. Que quoi ? Que Road to Hellfest ? Ah oui. Oh, les pauvres. Une bonne digestion à ceux qui mangent. Voilà. Une bonne alcoolisation à ceux qui boivent. Qui s'alcoolisent. Voilà. Et comme je le dis si souvent, écoutez des groupes. C'est bien. Ah ouais. Moi, je dis ça. C'est moi. Perspicace. Quand même. Des fois, je dis, hey, tu devrais écouter ça, c'est vachement bien. Ouais. Ouais, c'est vrai que des fois, je le dis aussi. Ouais. Donc, ouais. Du coup, je te laisse le mot de la fin. Merci. Non, l'autre. Ah, on vous aime. Et on vous emmerde. À la semaine prochaine. C'était Road to Hellfest. Ah ouais, comme ça. Bah, c'est un truc hyper énergique pour la fin. Ouais, normal, pour réveiller tout le monde. Ouais, sûr, ouais. Parce non. Que là, ils commencent à s'endormir. Bah, si tu veux, alors attends, je fais l'inverse comme ça. Je dis, on vous aime. Et on vous emmerde. Et là, vas-y, tu fais le finish, toi. C'était Raw to Hellfest. Ça, c'est radiophonique. J'ai pas l'impression. Bouillard. Très bien, allez. À la semaine prochaine. parce qu'il a des petits problèmes de gorge. Ouais, là je suis enrhumé. Ah oui ? Ouais, c'est pour ça. Mais pourquoi ? Alors ça, je sais pas. Bah, faudrait peut-être faire quelque chose alors. Tu crois ? Bah, c'est pas normal. Écoute, bah, je vais en parler à mon dermatologue. Peut-être qu'il va pouvoir faire quelque chose. Bah, j'espère. Si j'ai un rendez-vous. Oui. Parce que ça, c'est un problème. Ça, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, justement, des problèmes sociétals. De dermatologue. Ouais. Que t'as un problème et c'est 3 mois après. Alors que le problème, il est là. Et ben, le problème, il est là. Et il persiste, il est là. Il stagne. Flûte. Non, mais c'est... C'était mon coup de gueule. Ouais. Voilà. C'est parce qu'il... rendez-vous de dermatologue. C'est parce qu'il a, des... il a aussi un podcast sur les coups de gueule. Il a... De dermatologue. Il s'appelle Pas content, toujours en colère. Ouais. Non, toujours en colère. Pas content, plus vrai. C'est quoi la chanson de Souchon? Pas content. Bref, allez, on se casse. Voilà, je sais. Carrément méchant, jamais content. Voilà, c'est ça. Bah, qu'est-ce que j'ai dit ? Pas content, toi, t'as dit. C'était. Oh, eh, j'ai coupé au milieu. Bon, j'ai rapproché les bords. Si tu fermes les yeux, c'est pareil. Hein. Ouais, t'as fait une. Quoi ? Une. T'en as fait une, quoi. Une cicatrisation ? Ouais, voilà, c'est ça. Mais en rapprochant plus les bords. Les bords de ma bite ? Ah, bien, ouais, je...